so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Du boulot. Les enfants hurlent à l'arrière de la voiture. Vous êtes bloqué dans les embouteillages. Pas de panique. Branchez-vous sur Fun Radio. Fun. L'Happy Hour avec Audrey. Ça commence maintenant sur Fun Radio. Oh ouais, que ça commence maintenant et on va se mettre dans l'ambiance. Wow. Direct. C'est parti. Ouais. Ouais. On va gagner pour amener la coupe au pays. Allez, allez. Ouais. Ça y est, le match des Belges face aux Italiens. 21h, coup d'envoi. Et moi, je le sens bien. Je suis sûre et certaine que les Diables vont gagner. Vous inquiétez pas, vous allez la sentir demain matin. Bon, alors, il faut qu'on remette l'église au milieu du village. C'est-à-dire que dans l'équipe, on est plus ou moins 70% pour la Belgique. 90%. Mais... 90%. Non, 99%. Il n'y a que Fab qui est pour l'Italie. Hein. J'ai jamais été forte en maths, en fait. Mais en gros, ouais, c'est ça. C'est qu'il n'y a que Fab, en fait, qui est pour les Italiens. Ouais. Et ouais. Ça te fait pas mal? Mais de quoi? Bah de te dire que ce soir vous allez perdre. Mais qu'est-ce qu'on sait qu'on va perdre d'abord? Qu'est-ce qu'on mais sait? Comment tu veux que les Italiens gagnent avec déjà des chansons, tu vois, genre comme dans les pubs Miracoli ou les trucs comme ça? Allez, s'il te plaît. Le ça va pas, quoi. Cliché hey, à deux balles. Imagine les joueurs italiens en train de jouer là-dessus avec le ballon, quoi. Ça peut être tu drôle. Peux pas, tu peux pas. J'ai vu une pub passer qui disait: vous les Italiens, vous parlez avec les mains. Nous, on parle avec les pieds. Ouais. Voilà. T'inquiète pas qu'on va se comprendre tantôt. Bon, c'est vrai que Fab est pour les Italiens, mais Carlo, des infos ouais, aussi. Ouais. Attends, non, moi je suis pas religieux, mais je voudrais quand même signer un truc, c'est que musique italienne ou pas, l'Italie est 4 fois championne du monde. On se calme. Alors que vous, c'est la calme. Première année où vous avez une équipe. Déjà, vous avez une équipe, on dirait Rasta Rocket. Calme. Vous découvrez un sport. Qu'est-ce à voir? Quoi, qu'est-ce à attends, voir? Attends, on a tout cartonné, nous, hein. Ouais. Pardon. Alors, on n'a pas eu de petites étoiles sur le maillot, ça c'est vrai, mais ça. Mais ça serait... sert à rien, c'est pour décorer. Oui, de toute façon, on s'en fout d'avoir une étoile sur le maillot. Oui. Voilà, d'accord, c'est oui, tout. Bah c'est oui, talent, ça, monsieur. Et on est là pour le sport, nous. Ah, ok. Bon, alors, vos petits pronostics, à votre avis, Fab, c'est combien ce soir? Moi, je vois un 2-0 pour l'Italie. Ouais, ça va. Genre, tu crois qu'on va pas mettre de goal? Tu vas bien te calmer, hein. Non, j'ai pas l'impression que vous me mettrez des goals. Ouais, bah c'est ce qu'on va voir. On va te mettre des goals, tu vas voir. À toi, direct tes mains, monsieur. Carlo, un petit pronostic. Bah, moi, je vais dire 0-0 parce que la défense de la Juventus, il faut la franchir et c'est pas évident. Ouais, mais quand même, que les Diables Rouges sont méga forts. Kéké du Standard, un petit alors, pronostic. 2-1 pour laisser une petite chance aux Italiens, quand même. Mais pour la Belgique, hein. Ah, j'allais dire, tu te fous ma gueule ou quoi? Sandro? Mais je dis pareil que Kéké, au fait, 2-1 pour nous. Ah voilà, c'est ça. Ben moi je dis 3-0. Oui, bah toi, voilà, tu rêves, toi, les yeux ouverts. C'est rare qu'on donne des matchs nuls, hein. En général, on dit victoire 2. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Parce que ce oui, soir, on va tous suivre Fab. De... Et donc, ça me ferait vraiment mal au cœur si je peux pas, à un moment donné, tu vois, le taper avec des coups de pizza. Moi, je ou viens faire de me rendre compte d'un truc, c'est qu'il y a 10 personnes qui viennent voir le match chez moi. Ouais. Et que je vais être le seul pour l'Italie, au fait. Mais je pense que c'est un peu ça. Il y a 10 personnes chez toi et t'as 9 sièges, putain. Voilà, c'est ça aussi. Non, mais sérieux, en gros, je pense que tout le monde est pour la Belgique, là, non? Je sais pas. Enfin, dites-moi, vous de l'autre côté de la radio. Vous supportez qui ce soir? 30-44 pour vos petits messages. Est-ce que vous êtes pour les Belges ou pour les Italiens? On attend vos messages histoire de voir si... Bon, allez, la tendance, quoi. Qui va gagner? Est-ce que c'est les Diables ou est-ce que c'est les Italiens? Bah, c'est la Belgique, de toute façon. Ouais, voilà, moi je dis ça aussi. 30-44 pour vos messages. Je lis juste après les infos. Fun Radio. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus. à votre service. Il y a déjà 10 auditeurs qui sont pour les diables. Là, on va tous vous fracasser ce soir. En Belgique, c'est fou quand même. Et ouais, allez-y, 30-44 pour vos petits messages. Et pendant ce temps-là, on s'informe avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Sur la plupart des radios du pays, bah, j'imagine qu'on commence les news avec du football, hein, donc le match de ce soir. Mais bon, on a beau se passionner pour l'Euro 2016, il y a quand même des choses plus importantes qu'un ballon. Il y a par exemple les balles qui ont servi à tuer 50 personnes et en blesser 53 autres dans une boîte gay à Orlando dans la nuit de samedi à dimanche. La fusillade la plus meurtrière de toute l'histoire des États-Unis, où ce ne sont pourtant pas les fusillades qui manquent, hein, et que l'on doit à un certain Omar Mateen, un Américain d'origine afghane qui aurait prêté allégeance à Daesh. D'ailleurs, l'État islamique a revendiqué cette attaque homophobe, mais on ne sait pas si Daesh a juste récupéré cette fusillade sans que ses membres aient été au courant de ce qui se tramait, ou s'il y a eu une communication directe entre le tueur et l'organisation terroriste. Ce qui est certain, c'est qu'Omar Mateen était surveillé par le FBI depuis quelques années, vu ses sympathies pour l'islam radical. Il avait d'ailleurs été interrogé à plusieurs reprises, ce qui n'a donc pas empêché de commettre le pire. Et ça, ça fait évidemment penser aux attentats de Paris et de Bruxelles et au fait que certains de leurs auteurs étaient également dans le collimateur des services de sécurité, comme quoi en matière de dysfonctionnement, il n'y a pas que chez nous qu'il y a des choses à dire, hein, visiblement. Quoi qu'il en soit, le fondateur de la principale association qui représente les musulmans aux États-Unis a condamné, je cite, un crime haineux. Et en raison de l'ampleur de la tragédie, le gouverneur de Floride a instauré l'état d'urgence. Bon alors je pourrais enchaîner avec le match de foot entre la Belgique et l'Italie, mais ça risquerait de vexer un petit peu le personnel de Bpost qui était en grève aujourd'hui. Ouais, comme tout le monde, hein, j'ai presque envie de dire. Une grève qui concernait les facteurs, les trieurs, les chauffeurs, les employés au guichet. Bref, là je peux vraiment dire tout le monde. Les syndicats craignent surtout une privatisation de l'entreprise, mais dénoncent aussi des exigences toujours plus fortes en matière de productivité. Le même refrain qu'ailleurs. Des exigences plus fortes avec un personnel de plus en plus réduit. Ça veut dire que, en principe, ce lundi, vous n'avez pas reçu de facture dans votre boîte aux lettres, hein, toujours voir le bon côté des choses. Et même si le mouvement est limité à aujourd'hui, il faut s'attendre à des répercussions demain. Il faut s'attendre aussi à ce que la grogne se poursuive si les postiers ne sont pas entendus par la direction. Après tout, nous sommes à l'ère des grèves au finish. Allez, on termine avec Belgique, Italie. Avec un petit jingle, non ? Y a pas ? Non, y a pas. D'accord. À l'Euro 2016. Et si j'en parle pas du tout, on va dire que je fais mon original. Entrée en lice, donc ce soir les Diables Rouges face à un adversaire qui n'est évidemment pas le premier venu, hein, la Squadra Azzurra est quand même, je le disais tout à l'heure, quadruple championne du monde. Mais sur le papier, nous serons les favoris tout à l'heure sur la pelouse de Lyon, d'autant que l'équipe italienne est qualifiée comme la plus faible de ces 20 dernières années. Mais vaut mieux que nos joueurs ne tiennent pas compte de ce genre de considération, hein, s'ils veulent pas connaître une cruelle désillusion. Quoi qu'il en soit, le coup d'envoi de la partie sera donné à 21h. Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Et à Carole qui nous dit au 30-44 qu'elle est pour l'Espagne. Bah ouais, l'Espagne qui a gagné en plus. Oui. Eh bah t'as oublié de le dire, mon Carlo, ils ont gagné face à la République tchèque 1-0. Félicitations aux Espagnols. On verra si les Belges sont capables de faire mieux ce soir. D'ailleurs, je tiens à vous dire quand même qu'au 30-44, on vient de se faire envahir de SMS de la part des Italiens. C'est un truc de malade, quoi. Du coup, il n'y a plus aucun auditeur belge qui supporte les Diables. Il faudra c'est un peu de soutien, ça. Quoi. Non, mais sérieux, s'il y a encore des Belges qui nous écoutent et qui supportent les Diables, allez-y, un petit pronostic. Ce soir, il faut montrer qu'on est là aussi. 30-44 pour vos messages. C'est le son d'Enrique Iglesias qui arrive dans un instant. Ce sera juste après la météo. Carlo. Alors d'abord, oui, j'avais oublié de signaler que l'Espagne avait battu la République tchèque 1-0. Et je voulais en parler pour faire ce bête jeu de mots avec une tête piquée de piqué à 4 minutes de la fin. Ça aurait été très drôle. Pour le reste, la météo pour demain, comme aujourd'hui, c'est-à-dire maussade, avec une température beaucoup trop basse pour la saison, des nuages et des averses. On se retrouve dans une heure. Et puisque l'Espagne va gagner, ben justement, c'est l'occasion d'écouter Enrique Iglesias. Salut. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio! Ah là, c'est énorme! Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son dance floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son dance floor. Yeah. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él. porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Solo con un beso yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. C'était un petit big up pour tous les Espagnols. Ils ont gagné, les gars. L'Espagne a gagné face à la République tchèque. 1-0. Ça, c'est fait. La suite du son, c'est avec Julian Peretta. Ça se passe sur Fun avec I Cry. Il y aura aussi Justin Bieber juste après. Bon. On va bien être clair ici dans cette émission, ça ne va pas se passer comme ça, hein, dit. Parce que je vois les messages qui arrivent au 30-44. Je vous ai demandé de me dire qui vous supportiez ce soir. Est-ce que c'est les Belges ou est-ce que c'est les Italiens? Nous, c'est toi qu'on supporte. Bah, tous les jours de la semaine. Et bah, d'ailleurs, et bah, d'ailleurs, tu sais quoi, il y a un auditeur qui dit: moi, je supporte ma femme tous les jours, c'est pas mal. Ouais, mais à savoir si elle est belge ou si elle est italienne, parce que ça, ça peut rajouter de la. Comment dire? Ça peut être un peu plus du compliqué, hein, ouais, c'est ça. Hein. Alors, on me dit quoi? Moi, je dis 2-1 pour la Belgique, mais ils vont en chier pour arriver là, Nathalie Ju. Mais comment ça, on va en chier? Tu rigoles ou quoi? C'est le talent, ça, nous, facile, on va mettre des goals easy game. Ouais, c'est ce que tu crois, toi. Non, mais parce que vous, là, les Italiens, moi, je vous vois venir, hein, vous êtes en mode trop confiant, genre, ouais, ça va, c'est les petits Belges. Ils vont jamais mettre de goal, ou au pire on va leur en laisser mettre un, comme ça ils seront contents. On va vous fracasser. Là, je ne dis rien. Vous venez trop en confiance. On a Candy qui vient de Grivenier, qui est là. Bonjour Candy. Bonjour. Au pays de Candy. Ah, on n'avait jamais fait celle-là. Comment ça va? Ça va Candy? Ça va très bien. Ouais. Oui, ça bon, va très bien. Est-ce que tu es prête pour le match de ce soir? Bah oui, on est prêts, on est tous prêts à la maison, là, à fond dedans. Une seule question pour toi, attention, choisis bien ton camp, ne fais pas de bêtises. Candy, tu supportes qui ce soir? Les Belges? La Belgique. Oh mais magnifique ça! Ah mais oui, évidemment, évidemment. C'est pas possible d'aller ailleurs. Ah bah tu m'étonnes. Et à chaque fois que quelqu'un me dira la Belgique, je mettrai Kiki l'innocent. C'est parti. Hey. Évidemment, quand on s'appelle Candy, c'est preuve qu'on n'a pas de bon goût. Hein. Non mais ça va. Mais tu vois, Candy, tu vois comment ils sont les Italiens? Vachement sympa. Mais ouais, hein. Je sais. Parce que seulement en plus de pas être sympa avec la pauvre Candy qui vient, qui supporte son pays, tout ça, c'est que vous êtes des simulateurs de ouf. Mais tout le monde est des simulateurs. Mais vous pensez ce que tu racontes. Ça va, à chaque fois que vous tombez, on a l'impression que le mec il est en phase terminale. Ah mon dieu, je meurs. On en reparle avec de la France et l'Italie ou pas? Ouais, voilà. On devrait peut-être avoir tous la même coupe que Fellaini. C'est vrai que comme ça, quand on tombe, on sentirait rien. Eh ben c'est vrai, ouais. Pardon. Ouais, ça s'appelle la jalousie, ça. Mais oui, tu n'y connais rien à la mode, tu n'as même pas un poil sur le caillou. Qu'est-ce que tu parles de coupe de cheveux? Non, mais j'ai des poils sur la barbe. Ouais, bah c'est bien ça le problème. Bon, Macandy, tu dis combien pour ce soir? Bah, moi, je pense quand même qu'ils feront AA. Ah non, ça va pas, ça. Ah non, mais Candy. Oui, mais je préférais que les Belges fassent un peu plus, mais bon, voilà, faut admettre que l'équipe italienne est pas mal non plus. Je ne dis pas ça, malheureuse. Candy, on t'aimait bien. Maintenant, Candy, on rechange. Allez, quoi, sérieux, les Belges vont gagner, hein, Candy, il faut y croire. Hein, bah, bon. Je préférerais. Ah bah voilà. Bon, bah alors ça va, on verra, ça se trouve, si c'est match nul, au moins il n'y a pas de jaloux, ça au moins c'est clair. Mais voilà, c'est ce qu'il faut se dire, il n'y aura pas de jaloux, tout le monde est content et voilà. Alors le but dans le foot c'est de gagner, hein, je vous explique. Ouais, hein, c'est pas, mais si c'est match nul, c'est bien quand même. Candy, oui, mais voilà, il y a quand même des poitries, c'est déjà ça. Voilà, bien dit. Candy, je te fais des gros bisous en tout cas, on verra si t'as eu raison et si t'as vu juste. On te reprend demain, hein. Attention. Hein. Ça va, super. Dictée générale demain. Bisous, demain, Candy. Oui. Passe une bonne soirée. On me dit quoi d'autre? 3-2 pour la Belgique, venez tous les Carolos à la taverne du Bultia. Bah allez, on va boire une pinte ici, on est en Belgique ou pas? 3-1 pour la Squadra, jamais de la vie, les gars. Ah oui, abandonné. C'est possible. Jamais, regarde-moi, si. Jamais, nada, que dalle les Italiens, vous rentrez chez vous et c'est bon ainsi. Bon allez, votre pronostic là pour ce soir, à votre avis, c'est les Diables ou alors c'est les Italiens qui vont gagner? J'attends vos petits messages au 3044, on va sur le son de Justin Bieber dans un instant, et juste avant, on laisse la place à Julian Peretta avec I Cry sur Fun. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us, blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. So emotional, come we make a truce, 'cause I cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt. Come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Radio. Ça motive pour le match de ce soir, je trouve, non? Ouais. T'as l'impression d'être dans le stade, ça y est, les gars. Je suis excitée comme une puce, sérieux. On va se faire le son de Kungs dans un instant avec This Girl. Kungs qui est venu nous faire un petit coucou là, c'était vendredi dans l'émission. Il y a toutes les photos, les vidéos à aller super choper cool. Sur le site funradio.be. Tu m'étonnes qu'il est super cool, punaise, j'ai jamais vu un gars aussi cool de ma life. Et il a que 19 ans quand même. Franchement, ouais. Il est là tranquillou, il mixe partout, il fait les premières parties de David Guetta et il est super simple quoi, le gars. Franchement, allez voir sur funradio.be, il y a toutes les vidéos, vous allez voir comment il est trop cool ce mec. Il y aura aussi le son de Major Lazer juste après avec Boom, ça c'est une nouveauté Fun Radio. Et puis vous êtes nombreux, envoyez des petits messages au 3044, ça se dispute. Hein. J'arrive pas à dire, est-ce qu'il y a plus de Belges ou plus d'Italiens qui supportent ce soir? En fait, il y a plus de Carolo surtout qui envoie des SMS. Ouais, non, c'est moitié-moitié, attention. On me dit 2-0 pour Audrey. Audrey, t'as calé au milieu du terrain, tes yeux ravageurs feront tes dégâts dans la défense italienne. Oh. Je pense que mes yeux ne suffiront pas, mais bon. Quoique. Oh, c'est gentil, Sandro. Je parlais des yeux. C'est ça, merci. 1-0 pour la Belgique et Fab, arrête de rêver, mon fils, mange ta pizza. Merci. Et justement, on a un Italien là en ligne, c'est Roberto. Roberto, à mon avis, qui supporte l'Italie. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Hein. Bonjour Roberto, comment ça va? Ciao Audrey, ciao l'équipe, comment ça va? Ah bah ça va bien, et alors, pour le match de ce soir, c'est l'Italie qui va gagner ou pas? Mais à ton avis, m'arrête de poser des bêtes questions. Je suis désolé, mais oui, c'est l'Italie qui va gagner. On joue au football rêves, avant que même vous ayez inventé, je sais pas, l'écriture. C'est pas normal, les amis. Mais réveillez-vous, vous avez une équipe, hein? Une équipe. Depuis Mexico, on vous a plus entendu. Comme les grands jeux, vous avez disparu. Non, et non. Là, mais non, vous avez une équipe, vous faites une compétition et vous croyez que vous êtes au top. Non, moi, non, je vous dis. Oh. Roberto, quoi? On a pris un petit peu de temps, on a fait une petite pause pour encore mieux revenir. Les gars, restez à un sport que vous connaissez, comme le tennis avec la Justine Hénin, là. Ça, parce que vous êtes occupé à faire la même chose ici avec le football. Vous mettez là, comment il s'appelle, le vilain tout devant, le De Bruyne. Vous mettez un gars qui les roue, il va faire peur au gardien, il va mettre des bouts comme ça. C'est normal. Regardez, on ne peut pas le regarder en face. Arrêtez avec vos... Mais...

me introduce them to each other. Other man a gal is from Instanta forever. Yeah, please, baby, don't leave. Digga da booty booty boom bam bam. Baby, give me that boom bam bam. Baby, girl, please, please, please, please, please, please. Baby, don't leave, leave, leave. Digga da booty booty boom bam bam. Baby, give me that boom bam bien ce nouveau Major Lazer là sur Fun Radio. On va enchaîner avec Mike Posner, I Took a Pill, Inibiza. Il y aura aussi Fifth Harmony que je vous ai calé pour la suite du son Dance Floor. Tout ça, ça arrive juste après l'infotrafic sur Fun. L'infotrafic dans l'Happy Hour. Ce sont de vraies infos, mais c'est pas un vrai commandant. Et ce matin, c'était un fameux bordel, hein, comme on dit en Belgique. Et 300 km de bouchons ce matin, c'est pas sérieux, du côté de Forêt. C'est quoi ce bordel, là, sérieux? C'est deux fois la longueur du pays. Allez, dis. Bah, du coup, ça s'est calmé un peu sur les routes ou pas? Oui, non. Non, non. Je viens d'allumer mon computer. Je dis, je vais parler des embouteillages. Et il y a plein de trucs qui sont arrivés, comme des sapins de Noël. oui, et j'ai le temps, hein, 31 secondes. Donc, ça vient d'arriver. Si ça se trouve, l'automobiliste est toujours dans son auto avec le radio allumé et il m'entend. Voiture sur le toit sur la N4 à Namur, marche en famine à hauteur de pont de Saint-Bernard. Voie de gauche complètement bloquée. C'est un supporter bruxellois qui a eu un coup de chaud. Il s'est retourné comme une tortue. Un accident, il faut le remettre droit. Hein. Sinon après il va mourir. Un accident sur le A602 Long-Saint-Chêné. Trois véhicules impliqués. Il y en a qui commencent déjà à chanter à la queue leu-leu. Il bloque la voie de gauche dans le tunnel. Il y a un véhicule en pente sur le ring de Charleroi à hauteur de Couillet. C'est son contrôle technique qui est parti en Couillet. Voie de droite obstruée. Et sur le 40 Bruxelles-Liège à hauteur du parking d'Everberg, un accident dans le parking. C'était dans le parking. King, pas de chance pour toi. Grande question, lieutenant Jacobus. Oui. Pronostic pour ce soir? Je voudrais beaucoup que le Belgique gagne, mais allez, c'est un match de foot, pas un film de science-fiction. Et là, on va bien se calmer. D'ailleurs, les auditeurs sont d'accord avec ça, c'est la Belgique qui va gagner. Même si c'est pas tout à fait vrai, on s'en fout, on dit que c'est ça. Non, je suis dégoûtée, il y a plus de messages qui sont arrivés au 30-44 pour les Italiens que pour les Diables Rouges. Mais c'est normal, quoi. Audrey, les gens sont pas bêtes, les gens savent. Qu'est-ce que ça a à voir? C'est pas une question d'être bête, il faut y croire, il faut croire en cas. Tu sais quoi? Ça veut même pas sortir tellement c'est pas crédible. Il faut croire aux capacités des Diables Rouges. Un jour, la République d'Andorre aussi participera à la Coupe du Monde. Un jour. D'ailleurs, on a reçu des messages. Là, je vous demandais de me dire si jamais la Belgique ou l'Italie gagnent, qu'est-ce qu'on doit faire l'un pour l'autre? Parce que Fab est pour l'Italie, on est d'accord. Oui. Et tout le reste de l'équipe est pour les Belges. Alors, on me dit, Audrey, en maillot, je trouve que c'est suffisant. C'est Alan. Bien. Il y en a un qui propose en striptease aussi. Moi, je préfère ça. Ok. Non, moi, j'ai mieux. J'ai mieux. Ah, je vais vous expliquer ce qu'on va faire si jamais la Belgique ou l'Italie gagne. Oh oui, on va appeler l'auditeur qui a filé cette idée, je la trouve très bonne. Je vous explique tout ça juste après le son de Mike Posner. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider Cochon. Il peut marcher au plafond. Ah, est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider Cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi là. Rencard ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike. Le soir sur Fun Radio.

Regarde, Fab. Je vais pas te lâcher si vous perdez, mais ça, mais jusqu'à la fin de l'année, quoi. Non, mais dis-toi de toute façon quelque chose. Si jamais c'est les Italiens qui gagnent, tu vas souffrir, mais toute la saison. Hein. Pourquoi ? Ah, parce que là, préparez-vous, hein, sérieusement. Si les Diables Rouges gagnent demain, tous les jours, je mets Kiki innocent. Hein. J'en ai rien à foutre, moi. Oh, non. Allez, pour me faire un petit coup de Kiki tous les jours sur Fun Radio, ça va être génial. Hein. Moi, je vous le dis, c'est parti en mode culé-le. Hein. Du coup, on va demander pour annuler le match, hein, je pense. Parce que là, c'est pas possible. On pourra pas te mettre un coup de Kiki tous les jours, Audrey. On va être fatigué au bout d'un moment. Pourquoi c'est toujours malsain dans ta bouche, c'est ouf ça. Bon, du coup Jonathan, je demandais un truc. C'est-à-dire que si jamais c'est les Belges qui gagnent ce soir, je peux me permettre de faire quelque chose à Fab. Et inversement, hein, parce que si c'est les Italiens qui gagnent, Fab peut se venger aussi sur l'équipe. Alors Jonathan, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors pour moi l'idée c'était que si la Belgique gagne, c'est ouais, évidemment c'est ça qui va arriver, Fab se prend un cornet frites sauce mayo en pleine figure. Oh ouais, parfait. Ça c'est bon. Nickel. Et si les Italiens gagnent, alors on fait quoi? Oh bah ça, tu sais très bien que ça va vraiment pas arriver, donc il y a même pas à savoir. Ouais, mais dans le cas où Jonathan, vas-y, va au bout de ta pensée. Je t'aime, t'es parfait. Sérieux, je l'adore. Bon bah si jamais, admettons, ils ont un peu de chance, ou alors s'ils simulent comme d'habitude, qu'est-ce qu'on doit faire, Jonathan, avec les Italiens? Bah à ce moment-là, il peut, si vraiment ça arrive, bah je pense que vous pouvez vous prendre une petite pizza sauce bolo dans la figure. Oh ouais. Ouais, mais congelée, je la décongèle pas, tiens, comme ça fait mal. Eh ben tu sais quoi, c'est validé, Jonathan. On retient ton idée. Merci beaucoup, mon Jonathan. Mais de rien. Je te fais des gros bisous. Eh ben ça y est, ça c'est fait. Qui c'est qui va se prendre un cornet de frites dans la pizza dans la tronche? Avec plein de maillots, j'en mettrais vachement plein pour que ça te dégouline le long de tes poils, tu vois, genre que t'es plein de maillots dans la barbe. Oh, ouais. Pourquoi ça devient sexuel ton truc? J'adore, je suis déjà au match de ce soir. Les Diables vont gagner, les tout gars. Tout ça pour les frites, hein. Et les beaux mecs aussi sur le terrain, pourquoi pas. Bon allez, on se fait le son de Fifth Harmony sur Fun, bougez pas. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're all you gotta put in work, work, work, work, work, work, work. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work. Let my body do the work, work, work, work, work, work, work. We can work tomorrow, oh, oh. We can work tomorrow, oh, oh. Let's put it into motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacay. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're Radio, la seule radio dancefloor de Belgique. Faut pas chercher ailleurs. Le meilleur son, il est ici avec Imani qui arrive. Don't be so shy. Je vous ai calé aussi un petit boosty, c'est bien ça. Ça va vous mettre dans l'ambiance parce que hey, ce soir, c'est le grand soir. Match des Diables Rouges face à l'Italie. Yeah. Verdict, on verra qui va gagner le grand match. Mais avant ça, il faut qu'on vous cause de cadeaux. Parce que je sais pas si vous avez vu sur le Facebook de Fun Radio, mais on a été testé avant tout le monde la nouvelle attraction de Walibi, Pulsar. Oh, c'était une tuerie, sérieusement. Mais l'attraction, franchement, je suis pas du genre à avoir peur. Mais là, ouais. C'est le truc qui va dans tous les sens là. Enfin non, qui va en avant, puis en arrière, très vite. Et puis... Mais en gros, t'es dans, dans une nacelle. D'accord, mais qui démarre à une vitesse de ouf. J'ai jamais vu un démarrage pareil, quoi. Et non seulement tu fais le démarrage, tu penses que c'est fini parce que tu te calmes au milieu et c'est reparti dans l'autre sens en arrière. Oh. C'est pas l'attraction qui est sur le lac là, la toute nouvelle attraction. Et à un moment donné, tu passes dans l'eau et tout. Sérieusement, t'es mouillé, c'est génial. Enfin, franchement, et c'est à tester. En plus, c'est cool qu'il y ait une nouvelle attraction à Walibi. Vous allez pouvoir la tester avant tout le monde. Du coup, pour ça, c'est simple. Hein. Il faut envoyer tout simplement Pulsar par SMS au 6322. C'est le nom de la nouvelle attraction. C'est pas stylé en fait. Voilà. Vous envoyez votre petit message à vous, vos entrées pour aller à Walibi et pour aller tester la nouvelle attraction. On tire quelqu'un au sort. Juste avant 18h, c'est promis. Bonne chance, tout le monde est là côté son dancefloor. Je vous ai calé Imani. Écoutez, ça s'est passé ce matin chez Evan et la Tribu. Justine, cite-moi en moins de 5 secondes 3 marques de dinosaures. Top. Des marques. Trois dinosaures, vas-y. C'est ça. Un Raptilingus. Evan et la Tribu, demain, 6h-9h sur Fun Radio. Fun Radio présente la Garden Party les 23 et 24 juin au Parc de l'Esplanade à Hatt. Deux jours de fiesta et de son dance floor avec en live Willy William. Allez, allez, allez. James Dino, Teddy K et Vince de Fun Radio. Ne manquez pas la Garden Party les 23 et 24 juin au Parc de l'Esplanade à Hatt. Infos et réservations sur ticketmaster.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Hey Marc, ouais. T'as vu chez Deleuze? Ils offrent un ballon gratuit. Oui, et même pas besoin de s'appeler Kevin pour le recevoir ce ballon. Ni Thibaut. Ni Axel. Ni Driss. Ni Romelu. Ni Marc. Bah, je plaisante. Mercredi 15 juin, dans votre Deleuze, un ballon de foot gratuit à l'achat de minimum 50 euros. Et c'est pour tout le monde. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Voir conditions de l'offre en magasin. Réservez maintenant votre last minute Jetair et profitez de réductions jusqu'à moins 50% sur vos vacances d'été en juillet ou en août. Jetair. Discover your smile. You want? I'm thinking 80s. my love go. L'Happy Hour sur Fun Radio de 17h à 20h, la seule émission que vous pouvez écouter, même si votre nom de famille, c'est Bélier. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. La suite du son, c'est avec Boostik, ça se passe, Feel Alone, c'est bon ça. Bienvenue sur Fun Radio, c'est l'Happy Hour, moi c'est Audrey, il y a toute mon équipe qui est là, Fab, Sandro, Kéké, hey, ouais. Et là c'est l'horoscope. Je vois. C'est l'heure de l'horoscope sur Fun Radio. Eh ouais, en plus c'est un jour de match ce soir, les Diables Rouges affrontent l'Italie, je ne saurais le répéter, on dit les macaronis vont se faire battre par les hamburgers, moi. Ah, parce que vous êtes des hamburgers peut-être. Ah non, on est en bon paquet de frites une fois, oui, avec voilà, plein de maillots dessus, ça c'est bien ça. C'est quand même moins glamour d'être un paquet de frites que d'être une bonne pizza, tu vois, non, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de mieux. Ouais, non. Non, moi je préfère être une ouais, frite. Ouais, t'assumes d'être une bonne ouais, frite. Ouais. On va isoler ce moment et à chaque fois que Sandro dira quelque chose, ouais, j'assume, je suis une frite. Une bonne frite. Une bonne frite, ça. Bon, bah, oui, allez, on va se faire l'horoscope aujourd'hui. On a pris les signes classiques de l'horoscope, sauf qu'aujourd'hui, bah, du coup, on va vous dire si bah, vous êtes un bon supporter. Les béliers. Apparemment, oui. Vous avez en main les dents d'un supporter russe, les cheveux d'un anglais et le bras d'un croate. Au fait, vous êtes pour tout le monde, quoi. Les taureaux. Vous ne savez pas ce que c'est d'être supporter. Vous êtes belge, ça fait pas longtemps que vous avez une équipe de foot. Oh. Oh. Fab. On voit bien que c'est Fab qui l'a écrit, hein. Les Gémeaux. D'origine polonaise, quand votre équipe a gagné, pour fêter ça avec vos amis dans le stade, vous avez tout nettoyé, merci. Cancer. En tant que supporter roumain, vous n'êtes pas venu voir le match, mais pour essayer de récolter quelques pièces sous les bancs. Mais c'est quoi ces clichés, sérieux? Les Lions. Ça commence à vous monter à la tête, toute cette histoire. Vous êtes le seul gars au milieu du stade qui crie « Viva Brasil !» Mais petit rappel, c'est la Coupe d'Europe. Balance. Vous êtes fou de joie, votre équipe favorite. L'Allemagne a pulvérisé son adversaire. Elle avait pourtant fait la promesse de plus recommencer. Oh non, Fab, vierge. Vous auriez aimé suivre votre équipe en France, mais vous êtes espagnol et depuis que le pays va mal, les avions, plus de quoi payer l'essence pour les vols. Oh, Scorpion. Vous avez une grande gueule, vous ne racontez que des conneries et quand on vous regarde, on voudrait pouvoir couper le son. Non, vous n'êtes pas actrice X, vous êtes juste supporter des Bleus. Oh non. Hey, attention à ce que tu dis sur les Bleus, hein. Les Sagittaires. Vous avez fait le déplacement depuis l'Italie pour venir supporter votre équipe, mais vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec la mam, votre femme et vos 6 maîtresses. Bah ouais, pendant que vous regardez le match, faut bien que quelqu'un fasse à bouffer. Non mais ça va, sérieux, Capricorne. Vous êtes venu en masse supporter votre équipe, la Turquie, vous avez profité pour goûter la viande qui tourne, Lionne, le Douroum. Verseau. Oh. Votre équipe préférée, le Portugal, joue bientôt, mais vous, vous êtes déjà là, sur place, armé de votre truelle et votre sac de ciment, prêt à réparer le stade en cas de problème. Et enfin, les poissons. Vous êtes pour l'Albanie. On ne fera pas de blagues pour l'Albanie. On aime l'Albanie, on a peur de l'Albanie. Bon, allez, je vous rappelle qu'on a du cadeau à vous filer là pour aller à Walibi tester la nouvelle attraction Pulsar. Et en plus de ça, non seulement on vous file vos places, mais vous repartez aussi avec les Golden Pass. Vous savez, c'est les cartes qui vous permettent d'y aller quand vous voulez, pendant toute l'année. Si vous voulez essayer de les choper, c'est un super beau cadeau. Vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322, tirage au sort, juste après le son de Boosty. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feel alone like je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non, j'ai pas une vie droit. Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Allez, dans quelques petites minutes sur Fun Radio, je vais vous filer votre Golden Pass pour aller à Walibi. Et 100 euros quand même le Golden Pass, hein. Vous allez pouvoir y aller quand vous voulez. Vous allez tester la nouvelle attraction. Vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. Tirage au sort juste après les infos. Fun Radio. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Mais oui, qu'on va les encourager, les Diables Rouges. C'est ce soir le match, les Belges face à l'Italie. On verra le score tout à l'heure, 21h. Branchez-vous devant votre télé. On va se faire le son ici sur Fun Radio de Pep & Rush dans un instant. Tout ça, ça arrive après les infos maintenant avec Carlo Morello. Salut Carlo. Hello Audrey, salut à tous. Omar Mateen, c'est le nom de l'homme qui a perpétré ce week-end le pire massacre qu'aient jamais connu les États-Unis. Et aussi le pire massacre jamais subi par la communauté homosexuelle. 50 morts, 53 blessés dans une boîte de nuit à Orlando en Floride. Ça fait évidemment penser à la tuerie du Bataclan à Paris. Un terrible bilan qui s'explique par la forte affluence à l'intérieur de la boîte et à cause du bruit ambiant qui a masqué pendant un temps celui du fusil d'assaut utilisé par le tueur. D'après un des blessés, ce dernier passait devant chaque personne au sol et lui tirait dessus pour être sûr qu'elle soit bien morte. On sait aujourd'hui que cet individu, surveillé et interrogé à plusieurs reprises par le FBI pour ses sympathies islamistes, avait récemment prêté allégeance à Daesh, qui vient d'ailleurs de revendiquer ce qu'on qualifiera alors d'attentat. Mais il s'agit peut-être d'une simple récupération. L'enquête devra déterminer si Mateen était vraiment en relation avec l'État islamique. Un homme présenté comme homophobe, on s'en serait légèrement douté, violent, impulsif et instable. C'est comme ça que ses proches le décrivent en tout cas. Alors je parlais de récupération possible à propos de Daesh, et puis un autre qui pourrait être tenté de récupérer ce drame à son avantage, eh bien c'est Donald Trump, vous savez, l'homme qui veut interdire l'accès des musulmans aux États-Unis, la menace terroriste étant son fonds de commerce, ce qui s'est passé à Orlando pourrait lui être hautement profitable. Et puis question, la communauté homosexuelle des États-Unis a-t-elle failli connaître un week-end encore plus tragique? Le fait est qu'on a arrêté un homme transportant un arsenal d'armes et d'explosifs tout près de Los Angeles, juste après le massacre d'Orlando, et quelques heures à peine avant une Gay Pride, réunissant quelques 400 000 personnes dans la grande ville californienne. On n'est pas encore certain qu'il existe un lien entre cet individu et la Gay Pride en question, mais selon les médias locaux, cet homme, originaire de l'Indiana, aurait bien confié aux forces de l'ordre qu'il était en ville pour la parade annuelle de la communauté gay. Sinon, il est évidemment beaucoup question de leur demi-saison de football. Et en ce moment, je ne reviendrai plus sur l'entrée en ligne des Diables Rouges ce soir contre l'Italie. Sinon, pour rappeler que la rencontre débutera à 21h et se disputera à Lyon. Il y a quelques jours avant que les festivités commencent, il était beaucoup question des risques de perturbations dues aux grèves diverses. Et puis des risques autrement plus angoissants d'attentats terroristes. Et puis on avait oublié un autre risque, beaucoup plus classique dans ce genre de contexte, est lié au hooliganisme. On a pourtant eu droit à des incidents très graves entre supporters russes et anglais à Marseille, à tel point que l'UEFA a menacé les deux pays concernés de disqualification en cas de nouvelle violence. Depuis vendredi, donc depuis le début des festivités, les autorités françaises ont procédé à 116 interpellations pour violence, dont 63 ont donné lieu à des gardes à vue. Il y a également eu 3 expulsions du territoire. Fun. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Qui veut repartir avec son Golden Pass pour aller à Walibi quand vous voulez, à n'importe quel moment et autant de fois que vous voulez? C'est simple, pour le choper, il faut envoyer maintenant Pulsar par SMS au 6322, tirage au sort juste après la météo. Carlo, c'est quoi le programme? C'est un programme assez maussade de nouveau, un petit peu comme aujourd'hui, 14-18 degrés, pas plus, des nuages, des averses. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Pep & Rush. Salut. Fun. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Si Rémi avait fait appel à l'Happy Hour, il lui aurait sûrement trouvé une famille. En cas de problème, un seul numéro, celui de l'Happy Hour avec Audrey. 17h-20h sur Fun Radio. Merci de passer votre soirée avec nous, là sur Fun Radio. On essaye de se motiver tous ensemble parce que ce soir, c'est le match des Diables Rouges face à l'Italie. On est comme des fous ici sur Fun Radio. Il y aura le son de Benny Benassi dans un instant avec Chris Brown. Oh, on va se faire aussi Econ, c'est bon ça. Right now. Oh, petit souvenir. Oh, vas-y, mets un petit bout de. Enfin, c'est bizarre de dire ça. C'est là, d'accord, ouais. Oh, ouais, mets un petit bout d'Econ. Oh, hé, hey, classe. Oh, c'est trop bien. Désolé, je suis en train de péter un câble. Oh, bah, c'est jour de match, hein. On fait ce qu'on veut, c'est la fête, hein, les gars. Écoutez ça. Mais qu'est-ce que c'est bon de réentendre des sons comme ça qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps sur Fun Radio. Alors bon, qu'est-ce qu'on fait là maintenant dans l'émission? Parce que je suis en train de péter un câble, mais je ne suis rien du tout de ce qu'on doit faire. Ah voilà, on a des cadeaux. Ça, on doit filer les cadeaux parce qu'on a des Golden Pass pour aller à Walibi. Le Golden Pass, en gros, c'est une carte qui vous permet d'aller à Walibi à n'importe quel moment. Pendant que le parc est ouvert, c'est mieux. Mais autant de fois que vous voulez. Ça, c'est classe. Vaut mieux arriver à l'heure et quand c'est ouvert. Bah c'est ça quoi. Et avec le Golden Pass, t'es obligé de faire la file et tout ou bien? Bah, faut pas déconner non plus. Golden Pass. Mais ce qui est cool, c'est qu'avec ça, c'est que tu économises à chaque fois l'entrée. Quoi. Oui, non, ça c'est bon. Mais je sais qu'il y avait des passes aussi dans les parcs d'attractions, tu dois pas faire la file. Ça c'est cool quoi. Ah, ouais, mais tu sais quoi, on va t'envoyer là-bas, tu vas déjà commencer à faire la file, comme ça on sera tranquille. Monsieur veut arriver en VIP, il va passer devant tout le monde, ça va, excuse-nous. Le fait de pas payer, ça c'est de VIP, tu vois. Ouais, non, c'est déjà bien. T'arrives devant le guichet de Walibi, tu fais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Moi j'ai ma carte, je paye pas, d'accord, je suis un VIP moi ici. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux aller quand tu veux, donc à un moment donné, tu te réveilles un matin, tu dis. Bon, tu sais quoi, on va aller à Walibi. C'est et ça, tu pars. Tranquille. Pas besoin de réserver. Et c'est valable pour Walibi, pour Aqualibi et pour Belleward aussi. Hein, les trois parcs. Hein, donc ça, c'est cool. Vous payez pas aux trois parcs. Ça coûte une petite blinde. Donc si vous voulez essayer de le choper, vous pouvez envoyer Pulsar par SMS au 6322. Parce que de toute façon, on va vous enfiler tout plein pendant toute la semaine et plusieurs fois pendant l'émission. Donc allez-y, vous vous inscrivez. On fait sonner d'ailleurs chez quelqu'un qui a envoyé son petit message. Il a envoyé Pulsar. Ça s'écrit P-U-L-S-A-R. Hein, parce qu'on me pose la question par SMS. Donc Pulsar par SMS au 6322. Si ça décroche, et ben c'est gagné les gars. Et voilà. Il manquerait plus que les diables, ils gagnent ce soir. Et là c'est jackpot. Bim, combo. Allô. Allô. Oui, bonjour. Allô. Quel est ton prénom? C'est Jérémy Cliquet. Jérémy. Ben comment ça va Jérémy? Ça va. Ça va. Tu sais qui c'est? Oui, je vous entends à la radio là. Ouais, t'es sûr que ça c'est Jérémy? Moi je ne suis pas sûr hein. Ah bah pourtant Fun Radio là je vous entends en écho. Ah je merde en écho. Ça marche pas alors. Je peux pas faire de vanne. Jérémy, tu viens d'où? Je viens de Tamines. De Tamines. Jérémy, t'as joué pour repartir avec ton Golden Pass? Oui. Eh ben c'est gagné. Bravo Jérémy. Eh t'es le premier gagnant de cette semaine. Tu repars avec ton Golden Pass pour aller à Walibi quand tu veux. Ah chouette. Eh ben voilà. Génial. Eh deux hein, en plus. Et je t'en file deux de Golden Pass hein. Pas genre juste un hein. Comme ça, tu peux y aller avec qui tu veux tout le temps non-stop. Tu peux te faire du Walibi tous les jours si tu veux pendant l'été. T'as une copine, Jonathan? Ah, ça c'est super ça. Oui, oui, c'est Jérémy, mais oui, j'ai une copine. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas. Jonathan. Ah non, c'était l'autre avant. Bon, bah, tant pis. Eh ben, Jérémy, félicitations en tout cas. Tu raccroches pas, on va reprendre tes coordonnées, tout ça, d'accord? Pas de problème, enfin, merci beaucoup. Oh, attends deux secondes, parce que je donne des cadeaux comme ça, moi. Mais Jérémy, tu supportes qui ce soir? Les Diables Rouges ou les Italiens? Ah, je ne sais pas. Non, les Belges. Ah. Alors ça va pas être possible. Alors ça va. Pour ça, on va gagner. Pour qui? Pour la coupe au pays. Eh ouais. Jérémy, félicitations en tout cas. Je te fais des gros bisous. Et si vous aussi, vous voulez essayer de repartir avec votre Golden Pass, on en a encore à vous filer. Vous vous inscrivez, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. Imaginez-vous Walibi quand vous voulez. Et vous ne devez même pas donner un petit euro, rien que dalle. Oh, c'est bon. C'est gratuit, allez-y. On attend vos petits messages et on va se faire un souvenir maintenant avec Econ sur Fun. It's been so long that I haven't seen your face. I'm trying to be strong, but the strength I have is washing away. It won't be long before I get you by my side and just hold you, tease you, squeeze you, tell you what's been on my mind. I wanna make up right now. I wanna make up right now. Wish we never broke up right now. We need to link up right now. I wanna make up right now. I wanna make up right now. Wish we never broke up right now. watch her go. And haven't seen my girl since then. Why can't it be the way it was? 'Cause you are my homie, lover, friend. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. I wanna make up right now, nah, nah. Wish we never broke up right now, nah, nah. We need to link up right now, nah, nah. I can't lie, I miss you much. Watching every day that goes by, I miss you much. Till I get you back, I'm gonna try. Yes, I miss you much. 'Cause you are the apple of my eye. Yeah. closer I get to you, it feels like paradise. And I'll do anything you want me to. When we're in paradise, I see you on the other side, where it's alright. If tonight is the last night, I'll see you in paradise. Paradise. If tonight. On va gagner les doigts dans le nez, la la la. Je peux pas m'empêcher de vanner Fab, parce que c'est le seul qui est pour l'Italie. Il a rien compris celui-là, c'est les Diables Rouges qui vont gagner ce soir. J'en suis sûre et certaine. D'ailleurs on me dit, allez les Belges, ah bah ouais. On va se mettre dans l'ambiance avec le son de Calvin Harris et Rihanna qui arrive dans un instant. Il y aura aussi Axwell Ingrosso, c'est le tout nouveau que je vous ai calé. Mais d'abord il faut qu'on vous présente quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui a rejoint l'équipe, comme ça, inopinément, sans prévenir. Bam, comme ça, il est arrivé, t'es fait « Oh, un nouveau bonhomme dans l'émission !» Mais que sais-je, c'est Ramon Dalmolotov, ma fille. Non, non, gordita, tu prononces pas bien. Ah, pardon. Mon vrai nom, c'est Jorge Raúl Antonio Dalmolotov. Ouais, mais c'est long, hein, ça. Porque quand il explose comme un cocktail Molotov. Oh. Mais toi, gordita, tu peux m'appeler tequila. Oh. C'est plus tequila. Court, c'est plus rapide. Mm-hmm. Et on peut lécher comme ça aussi, quand si, il faut mettre le... Avec du citron et du sel. Bon, faut savoir que moi, j'appelle Ramon Dalmolotov, parce que de toute façon, j'ai déjà oublié le début de son nom. Faut savoir que ce mec est énervé sur tout. Il est jamais content, il y a toujours un truc qui va pas. Qu'est-ce qui vous a énervé aujourd'hui, Ramon? J'ai vu des choses qui m'ont pas plu. Je suis tombé sur un article d'une gordita comme toi. Une gordita, c'est une petite truie. Une cochonnette. Donc vous venez de me traiter de truie. Si, mais c'est un compliment. Ah. C'est amical apparemment. C'est une petite cochonnette, comme l'animal, toujours à la recherche des petites choses un peu sales que tu peux faire. Oh là là. Et je suis tombé sur une histoire d'une señorita là, et que ça se passe aux États-Unis. Et la petite, elle s'est dit, je vais faire un mariage. Mais tu sais, chez nous, le mariage, c'est sacré. On a les mariachis, on a la tequila, on a les buffets, on a les fajitas. Et c'est la fête tout le temps, de la matin jusqu'à la soirée. Tout le monde danse et chante. Calmez-vous. Je suis calme, là, c'est la version calme. De ah, d'accord. Et celle-ci, elle s'est décidée, elle a dit, je vais faire le mariage, on va le faire au McDonald's. Au McDonald's, avec 30 personnes. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est ce mariage de merde? 30 personnes à le McDonald's, y'a là une happy meal para tout le monde, et ici c'est la fête! Mais c'est pourquoi? Parce qu'elle a dit. Attends, ah, parce oui. Qu'en même temps, moi, je sais pas vous de l'autre côté de la radio, mais quand j'étais petite, faire son anniversaire au McDo, c'était de la pure folie. Moi, jamais ma mère m'a payé un anniversaire au McDo, c'est une frustration. Toi, hein. Tu es comme l'altra loca là, qui a dit, moi aussi, quand j'étais petite, j'ai jamais fêté mon anniversaire là-bas. Ah, bah voilà. J'ai fait mon mariage, elle a un gâteau en forme de burger. Oh, les invités sont tous arrivés au McDrive, ils ont récupéré les petites pralines. Et quoi? Et alors, pendant la nuit de noces, elle s'est fait fourrer comme un McNugget. Oh, Ramon, vous viendrez nous voir un autre jour, vous allez vous calmer deux secondes, mais qu'est-ce qu'il peut raconter comme connerie? Et d'ailleurs, on me dit gordita, c'est grosse que ça veut dire, c'est pas genre autre chose là, je sais pas ce que vous avez balancé à l'antenne. Gordita, c'est comme moi, je l'ai dit que ça veut dire. Je pense que c'est le mexicain, genre l'arnaque, mais l'arnaque. Tu vois, l'arnaque de service quoi. Bon, Ramon, vous vous calmez, vous revenez tout à l'heure, d'accord? On va voir. On fait comme ça, on va se faire le son de Calvin Harris et Rihanna maintenant sur Fun Radio, comme promis. Je vous ai calé aussi avec Axwell Ingrosso. Il y a le coup de pouce qui va arriver, on aura du taf à vous proposer. Et alors, si vous voulez repartir avec votre Golden Pass direction Walibi, bah restez là, on vous explique tout ça après. Restez branchés sur Fun Radio toute la journée et repartez avec l'objet le plus stylé du moment, votre hoverboard d'Urban Wheels. Toute la semaine, écoutez la libre antenne de Vince de 20h à 23h et déplacez-vous sans effort et avec classe grâce à votre hoverboard d'Urban Wheels en m'envoyant Fun par SMS au 6322. Un nouveau message. Wouhou!

baby. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Nouveau tube Fun Radio. Tous vos tubes préférés commencent sur Fun Radio. Le son Dance Floor. Think about love, think about hate, think about getting thin, why I'm always late. Think about tonight, what I'm gonna do, but I just can't concentrate, cause I'm thinking about you. Think about money, think what I owe, spent it on a car with a cool, cool stereo, and I'm sitting traffic, wishing it would move. Should be thinking about a job, but I'm thinking about you. Thinking about you now. Thinking about you now. Think about your touch. Think about your kiss. Feeling like a kid again. Total lots of bliss. C'était le nouveau son d'Axwell et Ingrosso sur Fun Radio. Et elle tombe très mal parce que je viens de dire à l'instant hors antenne que j'avais la dalle. Elle vient avec son titre Bonbon quoi. Et Raïs Refi qui arrive dans un instant. Ce sera juste après le coup de pouce sur Fun. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Ah non, en fait, c'est plus eux qu'il faut appeler, ça a changé maintenant. Si tu veux des résultats, appelle l'Happy Hour. Ouais, et c'est bien la première fois qu'on a des résultats dans quelque chose ici dans l'équipe, hein, c'est... ça c'est sûr. Hein, Sandro ? Bah, pourquoi tu me regardes ? À un moment donné, excusez-moi, voilà, je suis pas parfait. Hein. Mais oh, minou. Ah, c'est vrai. Bah, c'est vrai, c'est vrai. C'est mais vrai. Regarde Fab aussi. Et moi aussi, personne n'est parfait. Mais qui t'a dit que j'étais pas parfait, moi? À part les Diables Rouges, eux sont parfaits. Ouais. Ah, je m'en fous, j'ai dit que je lâcherais rien jusqu'à la fin de l'émission. Je suis pute qu'on va gagner. Que vous allez pleurer ce soir. Attends. Oh, oui, on va pleurer de rire en voyant que vous êtes en train de, tu vois, genre d'être en mode désespéré de la vie. Pourquoi on a perdu face au Diable Rouge? Oh non! Ah, c'est le talent, ça. C'est le talent, les mais Italiens. Ouais. Voilà. Je dis rien, ça a porté la poisse. Mais demain, oh, demain. Oh, ça sent ça. Oh, ça sent la victoire, tout ça. Allez, Fab, tape des mains. Je tape des mains. Pour ramener la coupe au pays. Vous allez rien ramener du tout, hein. On va gagner pour ça. La coupe jusqu'ici. Eh ouais, la coupe d'Europe, elle sera ici, les gars. Championnat d'Europe. Ouais, non, c'est la coupe d'Europe. Oui, c'est vrai. Eh ben donc voilà, hein, laisse faire les professionnels, s'il te plaît. Bon, on a Luc qui est là, qui vient de Florifou. Qu'est-ce que c'est que cette ville? Bonjour, Luc. Oui. Bonjour, mademoiselle. Ouh. Ouh. Bien, on m'appelle mademoiselle. Je crois qu'il ne connaît pas le monsieur. Ouh. Bah quoi? Non, mais je redis madame. Je suis encore une mademoiselle. Ouais, non, ça c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ah, vous voyez une bague à mon doigt? Tu seras toute ta vie une mademoiselle. De toute façon, les gars, l'âge idéal pour se marier, c'est 31 ans. Je n'en ai que 28, je suis large. Mais toi, tu vas te marier avec un mec que tu connais depuis 6 mois? Bah, si j'ai par exemple 30 ans, ouais, je vais accélérer le bazar. Hein, parce qu'il faut absolument que ce soit fait avant 31. C'est date limite, c'est la date de péremption. Donc il faut que j'accélère. Je suis sûr que t'as déjà réservé la salle de traiteur, ouais, et tout le truc. Il manque plus que le mariage, en fait. Voilà, il manque plus qu'à trouver celui qui voudra bien me faire sa demande en mariage, et ça c'est beau. Bon, Luc, t'es pas là pour me demander en mariage, enfin quoi que aussi. Yes. Bonjour, je t'écoute. Oui, non, en fait il veut pas, c'est pas grave, mais bon, Luc, si t'es là, c'est parce que tu es en recherche d'un cuisinier, et en plus de ça, tu files un CDI à la clé, donc c'est une super offre d'emploi. C'est pour bosser où, Luc? Alors, on bosse à Florifou, tu vois, à Florifou, près de Florest, tout près de Namur. Ben, bah, je connaissais près... pas, mais je découvre. Florifou, plus on est fou, voilà. Plus on rit. Non, tout à fait, je t'en prie. C'est tout près de Namur, en fait, je suis à 5 km de Namur, je suis le boss du restaurant Le Mât des Cigales à Florifou. D'accord. Et donc, je suis à la recherche d'un cuisinier. Et il faut savoir cuisiner quoi, Luc, par exemple? C'est quoi comme cuisine? La cuisine gastronomique française. Oh, enfin, s'il vous plaît. Je cherche un second, c'est-à-dire je cherche un petit gars qui va me... tranquille. Ouais. Qui va m'épauler. Un assistant, quoi. En fait, je travaillais tranquille avec ma fille qui était en salle et moi en cuisine. Ouais. Et puis ensuite, ben voilà, ma fille a décidé à 23 ans de prendre son envol et elle part travailler aux Seychelles. Bah, il était temps, hein, 23 ans. Aux Seychelles. Bon, bah, se fait pas chier, hein, disons. Elle a tout compris, hein. C'est pas chier, quoi. Et bah, du coup, t'as besoin de quelqu'un pour la remplacer. Tu m'étonnes, mon Luc. Eh bah, si ça vous intéresse, vous de l'autre côté de la radio, si vous recherchez. J'ai bugué. Si vous recherchez justement du taf dans ce milieu-là, si vous avez déjà bossé en cuisine française, gastronomique notamment, si ça vous intéresse, allez-y, vous envoyez job maintenant par SMS au 3044. On vous prend à l'antenne juste après le son d'Ice Treffy qui débarque maintenant. This is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get it, chit, dun, dun, dun. Bun, bun. Heaven, this is buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it. Get it, chit, dun, dun, dun. Can't miss it, I don't cheat. Can't get it, I just speak. Hide the man on me. Nouveauté Fun Radio. Salut, c'est Alex Jermis. Vous écoutez mon nouveau single Sweet Afterglow sur Fun Radio. Tous les nouveaux sons démarrent sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. La suite du son d'Explore, c'est avec Rochelle que ça se passe sur Fun Radio, All Night Long. Il y aura aussi Maten, c'est le son de Café Delmar, là, c'est bien pour terminer la soirée. Là. Merci Fab. J'adore parce que Fab, à chaque fois, il pense qu'il est dans son petit canapé, il fait tranquille. Ses petits commentaires. Ah oui, ça a l'air bien, ouais, ok, on prend un ça. Un peu comme s'il était déjà devant le match de foot de ce soir. Hein. Oh ouais. Parce qu'on va voir le match chez Fab, nous, ce soir. D'ailleurs, vous, vous faites quoi pour aller voir le match 30-44 pour vos messages? J'ai vu, il y a des écrans géants dans tous les partout. Sens. Ça va être la fête. Mais il y a la police qui attend au coin de rue. C'est pour ça que moi je regarde à la maison. Ouais, mais ça faut pas déconner. Hein. C'est ah, bon, ils ont prévenu, ils l'ont dit. Hein. Il y aura des contrôles aux abords des endroits où ils mettent des écrans géants. Bon, non, mais ça c'est pas cool. Ça. Ah, je sais que c'est pas cool, mais bon. C'est la crise, Audrey. Après, il faut renflouer les caisses de l'État. Il faut pas déconner parce que vu ce que ça peut provoquer l'alcool parfois, et vous avez vu le gars à Nice, genre rien, il est passé par-dessus les balustrades, il est tombé et puis pouf, il est plus là. Ah, voilà. Le côté positif, il a rien senti. Faut faire attention. Oui, pardon. Non, mais sérieux, faites gaffe quoi. Ne buvez pas trop en même temps. Et il y a bien un truc qu'il faut reconnaître aux Belges, c'est qu'on sait faire la fête sans picoler quoi. Il y a pas besoin, de toute façon, on est assez fou dans notre tête. Mais oui, ben, sauf toi, mais toi t'es pas tout à fait belge. Les Belges picolent pas. Mais non. Jamais. Mais si, on picole, mais on n'exagère pas. On c'est profite, ça. Tranquillou, quoi. Voilà, c'est la fête, mais tranquillou. Bon, on va faire le tic-tac-boom là maintenant dans l'émission, le nouveau jeu. En gros, c'est simple, il faut essayer de deviner un maximum de mots. Et pour ça, eh ben, vous avez d'un côté Fab, qui va faire une équipe, et puis de l'autre côté, l'équipe de Sandro. Bonjour. Et pour le moment, c'est vrai qu'il faut dire que Fab a un peu plus. Il m'a battu, je me dis, je suis dégoûté. Pour pour la deuxième fois. Et que oui. Dis-je, attention. Bon, alors, voici les auditrices, parce qu'aujourd'hui, ce n'est que des demoiselles. Ah, parfait. Voici les auditrices qui vont jouer avec vous. On a d'un côté Elodie, qui vient de Naline. Bonjour Elodie. Salut. Ça va bien, hein? Ouh, toi, tu transpires la joie de vivre. Elodie, moi, je sens que tu supportes les Italiens. Vraiment pas. Ah bah voilà. Eh bah tu iras avec Sandro alors. J'avais une chance sur deux. Eh bah du coup on va faire comme ça, tiens. Puisqu'Elodie, bah tu supportes les Belges ou alors même pas? Bah même pas, je m'en fous. Oh bah d'accord, bah bravo. Bah écoute, tu vas par dépit, tu vas avec Sandro quand même. Bon bah voilà. Voilà, Elodie, tu fais équipe avec Sandro et tu vas affronter Nadège qui vient de Fosse-la-Ville. Salut Nadège. Bonjour. Ça va bien Nadège? Ça va bien, oui. Nadège, est-ce que tu vas mater le football ce soir? Bien sûr. Ah, alors, t'es pour qui, les Belges ou les Italiens? Oui, hein, la Belgique, évidemment. La Belgique, eh ben... Ça va pas le faire, Nadège. Écoute, fais un effort, Fab, s'il te plaît. Bon, du coup, d'accord. Nadège, tu fais équipe avec Fab. Et c'est Sandro qui va commencer avec Elodie. On va voir si Sandro s'est amélioré depuis le temps. Hein, parce bien évidemment, il s'entraîne. Tout le week-end, je suis sûr que même dans ta salle de bain, tu te fais des petits entraînements tranquillou, comme ça, sous la douche. Ah bah voilà, j'en étais certaine. Bon alors, Elodie, est-ce que t'es prête? Je suis prête. On y va. Sois bonne, hein, Elodie. Eh oh, essaye-toi déjà d'être bon. Allez, bon, 3, dur, 2, 1, c'est parti. Alors, mais ce soir, il y en a deux sur le terrain. Équipe. Non, quand tu tires un ballon, ça rentre dans un... But. Voilà, parfait. La goal. On en a dans un lit. On met sa tête dessus. Un oreiller. L'autre. Un coussin. Voilà. Ouais. Le gardien, il met ça sur dans ses mains. Enfin, il met ses mains dedans. Les gants. Parfait. Oui. Quand tu pars en vacances, tu écris quelque chose pour tes parents. Une carte postale. Lunettes. Ouais, c'était là. Bon, allez, je l'accorde. Allez, ça va. Quoi, tu l'accordes? Oh, je suis magnanime aujourd'hui. Ouais, je suis de bonne humeur. Il y a un chouette match de foot, je suis de bonne humeur, tout ça. Donc, allez, c'est bon. Ça fait 4 points pour Elodie. Ah bah, du coup, Nadège, il va falloir faire plus que 4 pour essayer de remporter la manche. Attention, c'est parti. Okay, et bah, tu fais équipe avec Fab. En plus, il est plutôt bon, il paraît. Donc, on va voir ce que ça donne. Attention, 3, 2, 1. Okay. Top. Il y en a dans les vélos, entre les pédales, c'est une. Pédale. Entre les pédales. T'emportes autour du cou. Des. C'est pas du tout. Mais enfin, mais vous m'avez trouvé un prix Nobel là. Tu en as autour du cou. Tu portes des. Un bijou. Un collier. Oui, collier. Mais l'autre mot, des. Oh Nadège, je t'aime. Oh Nadège, je t'aime. Tu attaches des gens avec. Mais même moi, je vois pas. Je vais gagner. Je vais gagner. Tu attaches des gens avec. C'est une chaîne. Putain. Ah bah oui, non, je savais pas du tout. Ah bah oui. Eh ben, et attends, moi comme Nadège. Bah et moi comme Nadège, bah moi non plus, j'avais rien capté non plus, t'es mauvais Fab, c'est tout. Et ben non, ça fait zéro, voilà. Et ben oh du là coup, là, comment dire 4, Sandro, et ben, mais comment t'as fait? J'ai envie de dire que c'est Sandro et Elodie qui gagnent le match. Ce sera pareil ce soir, la Belgique va gagner contre l'Italie. Et ouais, voilà, c'était une répétition de ce qui va se passer ce soir sur le terrain de foot. Et ben du coup, Elodie, félicitations, tu repars avec ton cadeau Fun Radio. Bravo. Merci Sandro. Ben, merci à toi Elodie. Je te fais des gros bisous Elodie. Et ben Nadège, tu repars avec ton autocollant Fun Radio, c'est quand même déjà ça. C'est déjà bien, merci. Eh ben voilà. L'autocollant de la honte, Nadège, pour toi. Mais enfin. On va t'envoyer une chaîne aussi, hein, ça. Mais va arrêtez les gars, c'est... faut accepter. Quand vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Non, Nadège, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle avait. Nadège, je te fais des gros bisous. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci. Et si vous aussi vous voulez jouer de temps en temps avec nous au tic-tac-boom et repartir avec du cadeau Fun Radio, bah c'est simple, il faut envoyer tic par SMS au 3044. C'est le son de Rochelle qui arrive dans un instant côté son Nesflore. On va se faire aussi Maten. Et je vous rappelle qu'on est à la recherche aussi d'un cuisinier qui pourrait bosser en CDI temps plein. Si ça vous intéresse, job par SMS au 3044. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Juste après Martin Garrix avec Now That I've Found You. Ah, bien ça. Essaye de nous le dire quand même. J'ai rien compris. Avec Now That I've Found You. Now That I've Found You. Eh oui, yikes. Alors tu peux le dire différemment. Tu peux le dire Now That I've Found You ou alors Now That I've Found You. Ah, yeah, ouais. Voilà. Vas-y, tout ton Roger, vas-y, prononce-le. De quoi? Tous les soirs, dès 20h, c'est Libre Antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Est-ce qu'on dort mieux dans un hôtel de rêve ou est-ce qu'on rêve mieux dans un hôtel de luxe? Flair.

Si vous venez de vous brancher, c'est le son de Maten avec Café Del Mar que je vous ai calé côté son dancefloor sur Fun Radio dans quelques petites minutes. Et on a Castel qui est là, qui vient de Gilly, parce que bah, si vous venez de vous brancher, en gros, on était à la recherche d'un cuistot pour aller bosser dans un restaurant du côté de... C'était quoi ? Florifou, voilà. Florifou, c'est près de Namur. Et en mais gros, c'est une vraie ville, on a la preuve de ça. Ouais, écoute, non mais il y a plein de noms de villages et tout mais ça, quoi, rigolo enfin, en Belgique. Hein. Les habitants, c'est les Florifolles. Non, c'est pas drôle. Non, mais du coup, voilà, on est à la recherche de quelqu'un qui pourrait aller bosser dans un resto de gastronomie française, n'est-ce pas ? Avec un CDI à la clé. Et on a Castel qui vient de Gilly. Bonjour Castel. Bonjour. C'est Castel ou Costel? Parce que avec... C'est Costel, avec un O. Bah c'est ça, mais avec l'écriture de Kiké du standard, comment veux-tu que je comprenne quelque chose, quoi? J'ai mis un O. Ah, c'est ça. Donc ça, c'est un O. D'accord, ok. Non, mais autant pour moi. Costel, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. T'es en mode match de foot aussi ou pas? Pas spécialement, non. Pas spécialement. Oh, on a trouvé un mec qui regarde pas le foot. Non, moi je suis ping-pong, j'attends la finale là, avec Jean-Michel Sève, tranquillement. Bah rigole pas, tout le monde aime pas le football, hein. C'est pas non plus le centre d'intérêt de tout le monde. Mais moi j'aime hein. pas, sauf quand l'Italie qui joue. Ah mais ça c'est le côté italien, ça tu vois, mais tu... Je te jure. Chaud. Ouais, là, là, là. Bon bah du coup, Costel t'a envoyé un petit message parce que ça t'intéresse d'aller bosser dans ce resto. Oui, bien sûr, oui. Ouais, t'as déjà bossé dans le milieu de l'Horeca? Oui, j'ai fait que ça, je sais maintenant. Ah bah c'est cool. Et t'as déjà bossé où ça? Là, je viens d'un home, j'ai travaillé dans un restaurant, j'ai travaillé... j'ai fait un peu de tout, en fait, je veux dire. Eh bah voilà. Allez, c'est cool. Eh bah tu sais quoi, on va te filer les coordonnées du responsable du resto, et puis comme ça, tu peux prendre un rencard avec lui et tu vas passer un petit entretien, d'accord? Ça serait bien gentil. Oui. Eh ben, c'est pour nous, ça fait plaisir. On peut changer des vieux. Hein. Et ouais. Bon, hey, Costel, par contre, tu nous tiens au courant de comment ça s'est passé, hein, d'accord? Oui, bien sûr. Eh ben, on fait comme ça, Costel. Tu raccroches pas, on va te filer toutes les coordonnées. Et puis là, côté son dancefloor, je vous ai calé Maten avec Café Del Mar. Je vous rappelle aussi qu'on a un Golden Pass à vous filer. Direction Walibi, si ça vous branche, vous envoyez Pulsar par SMS au 6322. I have a dream. Vous allez pouvoir tester la nouvelle attraction de Walibi. C'est une totale exclu Fun Radio. Pulsar, c'est son nom. Si vous voulez y aller autant de fois que vous voulez à n'importe quel moment, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. Fun Radio. Fun. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Et c'est un Golden Pass hein, qu'on vous file quand même pour aller à Walibi. C'est-à-dire que c'est une carte qui vous permet d'y aller quand vous voulez, hein, en mode VIP. Donc allez-y, c'est votre dernière chance de vous inscrire. On fait le tirage au sort juste après les infos. Il faut envoyer Pulsar par SMS au 6322. Bonne chance tout le monde. Et là, on retrouve Carlo pour les infos. Bonjour Carlo. Salut Audrey, salut à tous. Je ne reviendrai plus ici sur ce qui s'est passé ce week-end à Orlando, en Floride. Donc sur cette tuerie revendiquée par Daesh, même si on n'est pas encore certain que ce ne soit pas par pur opportunisme. Par contre, ce qu'il est certain, c'est que l'État islamique a appelé fin mai ses partisans à perpétrer des attentats en Occident pendant le Ramadan. Or, le Ramadan a débuté tout récemment, d'où le fait que dans les prochaines semaines, police et militaires vont surveiller de manière rapprochée les terrasses, les écoles et les hôpitaux de Bruxelles. Voilà ce qu'on pouvait lire aujourd'hui dans le Last News, mais aussi les endroits où de nombreuses personnes se réuniront pour suivre l'Euro 2016 sur écran géant. C'est-à-dire, le niveau de menace terroriste n'a pas été revu à la hausse pour autant. On n'est donc pas en alerte 4. Il y a plusieurs endroits stratégiques, comme certaines ambassades. Ce niveau a même baissé. Bon, ben, je suppose que l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, c'est ce qu'il fait. Les problèmes de mobilité à Bruxelles, tout le monde connaît ça. Et je peux déjà vous dire que ça ne va pas s'arranger tout de suite, vu que, comme le veut la tradition, de grands chantiers vont être lancés cet été, en plus de ceux qui sont déjà en cours, comme la rénovation du tunnel Stéphanie ou alors celle du tunnel Montgomery. Les automobilistes ne sont donc pas prêts de le voir, le bout du tunnel, avec des travaux qui se poursuivent également en boulevard Reyers et qui vont débuter à la fin du mois rue de Stahl à Uccle, une des plus importantes voies d'accès à la capitale. Les rails doivent être remplacés et les égouts refaits. Tout cet été, une partie de la rue sera donc fermée au trafic. Elle sera rouverte à la rentrée, mais toujours en chantier jusqu'à la fin de l'année, en fait. Même tableau, avenue Jos Goffin à Kuckelberg, rue Van Oost à Scarbeck et place Janson à Saint-Gilles. Pour plus d'infos, prière de vous rendre sur le site de Bruxelles Mobilité, un site facile d'accès, celui-là. Vous y serez très vite, hein, à moins d'avoir une connexion Internet vraiment pourrie. Près de 8 tonnes d'ivoire de contrebande saisies ces deux dernières années par les autorités de Singapour ont été brûlées aujourd'hui, soit plus de 2700 défenses d'éléphants. Il faut savoir que le commerce international d'ivoire est interdit depuis 1989 afin de lutter contre le déclin de la population des éléphants d'Afrique. Défense de toucher aux défenses donc, mais le braconnage se poursuit vu qu'en Chine, surtout, l'ivoire est très prisé à des fins médicales et pour fabriquer des objets de décoration. C'est-à-dire, braconnage et contrebande prendront fin fatalement le jour où il n'y aura plus d'éléphants. Ils étaient encore plusieurs millions au milieu du XXe siècle, pour seulement 600 000 à la fin des années 80. En concassant et en incinérant ces 8 tonnes d'ivoire, les autorités de Singapour espèrent dissuader le commerce illégal de défense. Mais c'est pas gagné. Gagné, bah j'espère que les Diables Rouges le feront ce soir contre l'Italie. Je rappelle que le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h. Fun Radio. Grâce au Last Minute Opel, vous pouvez prendre la route dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Surfez donc vite sur opelstock.be. Et c'est le son de Justin Timberlake qui arrive côté son dance floor et aussi Martin Garrix. Les Magic System, tiens, ça faisait longtemps qu'on les avait plus entendus sur Fun Radio. Tout ça, ça arrive juste après la météo. Toujours les températures trop basses pour la saison, demain entre 14 et 18 degrés, des nuages et des averses au programme, ça va donc pas s'arranger tout de suite. Voilà, tous une excellente soirée, allez les diables, on se retrouve demain midi, je vous laisse en compagnie d'Audrey et du son de Justin Timberlake, salut. Fun Radio. Panos présente les feux du four. Go, ça va vite! Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. L'Happy Hour, 17h-20h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. call. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop that. You when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance. Il y a encore des auditeurs qui écoutent Fun Radio. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde a déserté. Vous êtes déjà tous devant les écrans géants. Tout le monde est prêt pour le match. Tu m'étonnes. Bon, et s'il y a encore quelqu'un qui nous écoute, ce serait cool de nous envoyer un petit message au 3044, histoire qu'on se sente pas trop seul ici sur Fun Radio. C'est le son de Martin Garrix qui arrive dans un instant. Il y aura aussi les Magic System juste après. Et là, c'est parti. On va faire sonner chez quelqu'un qui a envoyé Pulsar par SMS au 6322. Pulsar, c'est le nom de la nouvelle attraction qui a été lancée à Walibi. C'est juste de la pure folie, vous êtes dans un espèce de wagon, vous êtes propulsé à toute vitesse en avant puis en arrière. Enfin, c'est de la folie, sérieusement. Il faut pas manger avant, quoi. Il faut pas manger avant, non, ça c'est, ouais, c'est pas le bon plan. Et après, t'as plus faim. T'as tes pulsations, c'est pour ça que ça s'appelle Pulsar d'ailleurs. T'as tes pulsations qui grimpent, mais d'une de ses forces tellement c'est intense, sérieux. Oh là là, vous devez aller la tester cette attraction, c'est juste de la tuerie. Vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 et nous en échange, on vous file un Golden Pass pour y aller quand vous voulez, à n'importe quel moment pendant toute l'année. Ah bah oh. Voilà, bah voilà. Eh bah vous voyez, bah, tu peux raccrocher Sandro. Bah vous voyez, moi j'appelle, je veux filer des cadeaux. Pas moi j'avais gentil. Envie de filer deux ouais. Golden Pass. Je sais pas si vous vous rendez compte, ah, mais deux comme ça. Mais deux Golden Pass, c'est les cartons, c'est les cartes qui vous permettent d'y aller à n'importe quel moment, quoi. Genre vous payez pas l'entrée, vous y allez tranquillou. Je vous avais dit que tout le monde s'était barré. Il y a plus personne qui écoute Fun Radio. En fait, on est seul au monde. Ça fait peur. Si vous voulez repartir avec votre Golden Pass, bah du coup, s'il y a encore quelqu'un qui écoute l'émission, ah bah c'est le moment ou jamais de participer. Vous avez de la chance parce que tous les autres ils sont déjà devant le match de foot. Vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. On fait un petit tirage au sort juste après le son de Martin Garrix maintenant et les Magic System juste après. Flashback to the time in your life when you thought it would be easy, but it's hard when you take on the world alone. A one shot that you fire at the sky, hoping someone else can see.

Bah, il y a un gros débat dans l'équipe. En fait, on sait plus, mais les Magic System, là, Magic in the Air, c'était pas la musique d'une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe, je sais plus. Et si quelqu'un a l'info, 3044 pour vos messages. Maître Guim, c'est ce qui arrive avec Zoom Zoom sur Fun. Des paillettes, du glamour et Fab. C'est l'actu people dans l'Happy Hour. Ah ben voilà, on se sent déjà moins seul. Il y a Jean-Marc qui dit je vous écoute, gros bisous, il vient de Jaé. C'est le seul qui nous écoute en fait. Jean-Marc. Et il y a Maurice aussi qui dit bon courage à toute la team Rocket, come on Belgium, bis de Bruxelles. Salut l'Happy Hour, on a reçu aussi par SMS au 3044. Je vous aime, allez les Diables Rouges. Oh, bon, merci pour ton petit message. Et si quelqu'un a l'info concernant les Magic System, je veux bien aussi, hein, 3044. Je crois que c'était pas une Coupe du Monde. Ben, si, on fait le Magic. Non, je crois que c'était plutôt Jeux Olympiques de natation. Bon, ça va. Non, je crois savoir que c'était un truc pour par rapport au foot ou quelque chose comme ça. Bah après, toutes les musiques des Magic System, c'est un peu pour un foot, quoi. Ouais, c'est un peu en rapport avec ça. On me dit passe Bob Marley, s'il te plaît. Ouais, mais t'es sur Fun Radio, tu sais. On doit peut-être avoir un petit Bob Marley là, non? Vas-y, qu'on se mette un peu dans attends, l'ambiance cool, peace and love. Et avant le match, il faut qu'on se détende parce qu'il va falloir tout donner à partir de 21h. Ça va être de la pure folie ce match, les Diables Rouges face aux Italiens. Franchement, ouais, on pouvait pas rêver mieux comme match, quoi. T'imagines? Ouais, enfin, ouais. C'est tendu quand même. Comment ça, tu rigoles? On va gagner, les gars. Oui, c'est ça qui me fait c'est peur. C'est ça, Bob Marley? Ouais, c'est ce que j'ai trouvé. Mais dans mon souvenir, pas. Bob Marley, il était plus calme quand même. Ouais, je crois qu'il faisait pas de techno. C'est le remix de Bob Marley. Bienvenue sur Fun. Ouais, c'est bizarre ça. Bon, écoute, si t'as une réclamation à faire, tu envoies ton petit message à Sandro, hein, personnellement. Bon, allez, dans un instant, on va savoir qui va repartir avec son Golden Pass direction Walibi. Un pass qui vous donne l'opportunité d'y aller quand vous voulez, à tout moment de l'année. Pour ça, il faut envoyer Pulsar par SMS au 6322. On fera le tirage au sort du grand gagnant juste après. Les People, mon Fabien, quoi au programme? Il y a du. Comment on appelle ça? Il y a du clash. Y a comment du scandale, on appelle ça? Il y a du sang. Oh ouais, ça va pas tarder à couler, en tout cas, chez la famille. Alors Kardashian. D'accord, ça va pas tarder à couler, ça va être de la pure ça va, te moque pas de moi. Je trouve que je me démerde pas mal pour faire les infos people. J'ai vu une interview de Jerem Star et je trouve que je fais ça très bien par rapport à lui. Ouais, bah, si tu te compares aussi à ça, bon, désolé, mais à un moment donné, voilà. Tout le monde sait faire mieux, quoi, tu vois. Ouais. Bon, elle vient cette info ou pas? Alors, la famille Kardashian, ça va, on va parler d'eux là dans les jours qui viennent. C'est parti en gros bordel. Ouais. Chloé. Une des filles, donc la sœur de Kim, demande à sa mère un test de paternité. Alors, on peut comprendre parce que à l'époque, elle était mariée avec l'avocat qui avait défendu O.J. Simpson. C'est comme ça que la famille est devenue célèbre, entre autres. Ouais. Et à l'époque, la mère de Chloé était déjà pas très fidèle. Hein. Je crois que c'est un truc qu'elle a en commun avec toutes ses filles. Elle a eu des amants, dont le Bruce Jenner avec qui elle s'est mariée et qui est devenu sa copine maintenant. Enfin, un truc, il n'y a que ça chez les Kardashians. Mais à l'époque, elle fricotait avec son coiffeur et O.J. Simpson aussi. Donc, c'est parti en couille. Chloé, elle ressemble à OG et au coiffeur, mais pas au père. Donc, elle a dit, je veux un test de paternité. Non. Elle est encore en contact avec OG Simpson en prison. Et il lui a dit, mais si c'est toi mon père, tu dois me le dire, machin. Et OG, il veut rien ouf, dire, ça. Tu vois. Donc, elle est là, elle demande. Et il faut que ça tombe bien. Elle va quoi. Faire un test de paternité. Ouais. Mais en même temps, son papa, maintenant, est devenu une madame. Donc, c'est très compliqué dans sa life. Non, c'était pas lui, c'était l'avocat avant. Je comprends plus lui, rien. Oui, mais c'est ça, il n'y a personne qui comprend rien dans cette famille. Bon. Tout le monde couche avec tout le monde. On dirait des ch'tis qui vivent aux États-Unis. Bah, c'est pas normal. Faut juste retenir que la meuf, elle va faire un test de paternité. Voilà, on sait pas trop avec qui, mais au final, voilà, c'est ça voilà, qui va se passer. Et on saura qui sera son vrai t'as papa. T'as une autre bientôt. Info plus facile à comprendre ou pas? Alors, ça, c'est tout simple. Madonna, elle a rencontré lors d'une émission télé dans un talk show aux États-Unis. Un talk show? C'est là où tu mets des talks sur les fesses ou voilà, exactement. T'as vu l'accent anglais? Yeah, baby. Ouais, je sais. Elle a rencontré la personne de qui elle est le plus fan. Mmh. Son idole. C'est qui? Et du coup, bah attends, je vais pas y. Accélère, on n'a pas le temps, il y a match, bon, monsieur. Bah, du coup, Madonna, qui a toujours une grande gueule, elle était là comme une petite fille, sans dire un mot, elle n'osait pas parler. Tu sais, c'est qui son idole? Mais j'attends. Barack Obama. Ah ouais? Ah, la classe. C'est nul. Bah non, elle a toujours aimé les beaux blagues bien membrés, donc voilà. Oh. Et alors, pour terminer, un truc très simple, ça m'a fait rire, Justin Bieber qui vient de faire son mea culpa en disant non, mais c'est pas bien, faut pas se battre. Tu m'étonnes, quand on se bat comme toi, on arrête de se battre. Le gars, il a cherché un gars de 2 mètres qui est arrivé à la sortie de son hôtel en disant je voudrais un autographe. Il lui a dit non, pas d'autographe, motherfucker. Ah, tu me traites moi de motherfucker? Il l'a attrapé, coup de tête, fini, il n'y a plus de Justin Bieber. Et maintenant, il vient dire sur les réseaux sociaux non, mais c'était pas bien, il fallait mais pas c'est bien, battre. Au moins, il reconnaît ses erreurs. Il y a du progrès avec Justin Bieber, en tout cas. Bon, ouais. Tu reviens demain avec des infos people vachement plus faciles à comprendre, s'il te d'accord, plaît. D'accord, ça marche. Okay. Dans un instant, côté son dance floor, c'est Môme, Aloha, c'est une nouveauté qu'on vous a fait découvrir ici en premier sur Fun Radio. Et juste avant, c'est Maître Gims avec Zoom Zoom sur Fun, bougez pas. Partez vous éclater à deux du 25 juin au 2 juillet avec toute la team des Vannes et la Tribu et de l'Happy Hour au club Bellambra Sélection, Seignos Osgore, les Tuquets en France grâce à Fun Radio.

tchatche tout la avec son Golden Pass, le précieux cadeau qui vous ouvrira les portes de Walibi quand vous voulez. Vous voulez essayer de le choper, vous envoyez maintenant Pulsar par SMS au 6322. Nouveauté, new music, découverte Fun Radio. Et on va tirer quelqu'un au sort qui va repartir avec ce cadeau de ouf. Vous allez pouvoir carrément tester la nouvelle attraction, la Pulsar. Vous envoyez Pulsar par SMS au 6322 et là on se fait môme avec Aloha. So lover, it's great, have you moved? It's been a while since I've cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. C'était Boom avec Aloha sur Fun Radio et on enchaîne avec Mathieu Canabi, Miss California. Il y aura aussi Lost Frequencies côté son dance floor dans un instant sur Fun Radio. Et avant ça, on se fait l'horoscope, c'est parti. L'horoscope. L'horoscope. Sur Fun Radio. Et les gars, je dis ça, je dis rien, mais il est 19h33. Oui. Ça approche. Oh, dans une heure et demie, le match des Diables Rouges face aux Italiens. On se fait un petit coup de kiki ou pas? Ouais. Allez. Parce qu'on est venu pour ça. On va gagner pour qui? Pour amener la coupe au pays. On va gagner pourquoi? Parce qu'on est venu pour ça. On va gagner pour qui? Pour amener la coupe jusqu'ici. On va ramener la coupe jusqu'en Belgique, vous allez voir, moi j'y crois. Moi je dis au moins 2-1 pour la Belgique ce soir. Pareil, sûr que les Italiens ils vont se faire fracasser d'une de ses forces. Et on pensera je très fort rien, à Fab qui sera, qui sera en pleine détresse, en pleine déprime. Bon, on va vous dire maintenant dans l'horoscope si vous êtes un bon supporter. Les béliers. Eh ben, apparemment oui. Hein. Vous avez en main les dents d'un supporter russe, les cheveux d'un anglais et le bras d'un croate. Au fait, vous êtes pour tout le monde, quoi. Et les taureaux. Vous savez pas ce que c'est d'être supporter. Vous êtes belge, ça fait pas longtemps que vous avez une équipe de foot. Eh oh, tu te calmes, toi. Tu veux que je t'explique? C'est facile. Arrête, on s'est qualifié et on va rester maintenant, ouais, ouais. Tu vas voir. Oui, les Gémeaux. D'origine polonaise, quand votre équipe a gagné, pour fêter ça avec vos amis dans le stade, vous avez tout nettoyé. Merci. Les cancers. En tant que supporter roumain, vous n'êtes pas venu pour voir le match, mais pour essayer de récolter quelques pièces en dessous des sièges. Mais c'est quoi ces clichés, sérieux? Les lions. Ça commence à vous monter à la tête, hein, toute cette histoire. Vous êtes le seul gars au milieu du stade qui crie « Viva Brasil !» Petit rappel, c'est la Coupe d'Europe. Ouais, d'ailleurs, j'ai posé une question à la con, moi, l'autre fois. Oh, je dis, bah, pourquoi la Russie, ils sont dans la Coupe d'Europe, en fait, je comprends pas. Ah, c'est vrai, ça. Bah, la Russie, n'est pas dedans. Hein. Bah, si. Oh là là, le con. Oh là là. Et depuis quand? Oh là là, Sandro, tu t'enfonces. Ça partait bien, ça partait d'une bonne intention. Non, mais vraiment, c'est une vraie question. Bah, la Russie fait partie de la Coupe d'Europe, je suis désolée, non. Mais c'est comme ça. C'est un mais... peu comme l'Eurovision, il y avait l'Australie aussi. D'accord. Ouais. On pose pas de questions. Mais attends, il y a Alison, la stagiaire, qui veut tenter de dire quelque chose. Le pit de séance, vas-y. Mais la Russie, en fait, elle est européenne, elle fait pas partie de l'Union européenne, mais elle fait partie du continent. Je savais que t'allais te chier, on te laisse tomber. Voilà. Allez, c'est normal. On enchaîne, c'est parti pour les Vierges. Non. C'est les balances. Et c'est moi qui dis d'abord. Les balances. Vous êtes fou de joie, votre équipe favorite, l'Allemagne, a pulvérisé son adversaire. Elle avait pourtant fait la promesse de plus recommencer. Ah, tu vois, je le savais qu'il fallait pas le faire, celle-là. Les Vierges. Vous auriez aimé suivre votre équipe en France, mais vous êtes espagnol et depuis que le pays va mal, les avions n'ont plus de quoi payer l'essence pour voler. Scorpion. Vous avez une grande gueule, vous ne racontez que des conneries. Quand on vous regarde, on voudrait pouvoir couper le son. Non, vous n'êtes pas une actrice X, vous êtes juste supporter des Bleus. Ça, c'est petit. Sagittaire. Vous avez fait le déplacement depuis l'Italie pour venir supporter votre équipe. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec la maman, votre femme et vos 6 maîtresses. Bah ouais, pendant que vous regardez le match, il faut bien que quelqu'un fasse à bouffer. Mais c'est de pire en pire en fait, les Capricornes. Non. Vous êtes venu en masse supporter votre équipe, la Turquie. Vous en avez profité pour goûter la viande qui tourne, le dorum. Le Verseau. Votre équipe préférée, le Portugal, joue bientôt, mais vous êtes déjà sur place, armé de votre truelle et de votre sac de ciment, prêt à réparer le stade en cas de problème. Je sais pas si j'ose dire les poissons, mais bon, allons-y. Vous êtes pour l'Albanie. On ne fera pas de blague hein, sur l'Albanie. On aime l'Albanie, on a peur de l'Albanie. Ouais, on aime très très fort les Albaniens, ça c'est clair. Les Albaniens ouais. Les Albaniens. D'accord, si toi aussi tu es Albanien. Les Albaniens. Les Vas-y, attends, chut, Fab. Comment on dit les gens qui habitent en Albanie? Bah, les Albanois. Non, allez, vas-y, sérieux. Je sais pas du tout. Ah, voilà. Bon, allez. Attends, c'est sérieux. Ah, si, si, les Albanais, pardon. C'est ça, essaye pas de te rattraper vite fait, le Sandro. J'ai peur. Alors, on est presque au match là, ça y est, l'heure est grave, les copains. 1h20, plus ou moins, avant le coup d'envoi des Diables face à l'Italie. C'est quoi votre programme ce soir? Dites-moi, tiens, ce que vous allez faire, si vous avez un bon plan, un chouette truc à faire là, parce que à la base, j'avais prévu d'aller chez Fab. À la base. Mais je me dis que peut-être s'il y a un chouette écran géant avec des chouettes personnes assez sympas. Tu me l'annonces en direct, en fait. Tu viens pas à la maison. D'accord, ok. Cool. Non, mais je suis jeune, j'ai encore envie de profiter de la vie. Donc, si vous connaissez un bon plan, allez-y. 30-44 pour vos messages. Toi, tu vas où, Sandro? Je vais à Stockel, à la place du Mont. Ah, bah voilà. Et bah, tu sais quoi, si vous avez un truc du genre aussi, allez-y. Hein, j'attends vos petits bons plans. On se fait le son de Mathieu Canabi maintenant. Mais je résiste. Loin, je dois rester loin de cette file-là. Pourtant, même si tout nous oppose, raison ou tentation, pourtant j'hésite. Lorsque je plonge dans ses yeux, pourquoi. She's Miss California, c'est trop pour moi. Superficielle, je crois. Je ne me vois pas perdu dans un monde qui ne me ressemble pas. Loin d'une réalité qu'elle a semblé oublier. Elle m'a emmené, j'ai voulu tenter le coup. Avec elle, j'ai voulu jouer. Mais l'amour m'a rendu fou. She's Miss California. Bientôt 20h sur Fun Radio, et pour aller jusque là, je vous ai calé un petit Lost Frequencies. C'est bien, ça, Beautiful Life. Ça donne juste envie de se balader, tu vois, genre en sifflotant. Le gars, ouais, il est tranquillou chez lui, voilà. Peut-être en train de mater le match des Diables Rouges. Avec sa petite flûte de pan. Je suis sûre que vous, en fait, tous les auditeurs sont déjà barrés, ils sont face aux écrans géants, il n'y a plus personne qui écoute Fun Radio. Là, pour être prêt. Oh là là, tu m'étonnes. Non, mais juste après, nous aussi, on va se grouiller, genre, mais direct. Oh là là, je suis trop impatiente de savoir le match. Tu vas te grouiller chez Fab. Ouais, c'est ça. Ouh, ou pas. Non, mais il y a un auditeur qui me dit Forza Italia, on va les fracasser. Bien ça. Ma soirée crêpe avec ma petite famille. On a pris des frites. Il y a des siècles qu'on a pu manger ça. On va se faire plaisir. D'accord, des c'est frites Isa. Avec des crêpes. Eh ben pourquoi pas. Ça, c'est bien un truc belge. C'est Carolo ça. Ça s'appelle un drôme quoi. Comment ça c'est Carolo? Ah ouais, voilà, bien vu, ça fait. Ah ouais, c'est vrai. Et il y a Pierre-Henri qui dit moi je vais un écran géant à tourner entre potes. Rejoins-nous, voilà. Ouais, du on côté va de tourner. À la fin du match quoi. Ça fait loin tourner quand même hein, si on doit se barrer de Bruxelles. Mais pourquoi pas. Hein, voilà, c'est un bon plan. Juste avant de vous taper Lost Frequencies là maintenant sur Fun Radio, on va faire sonner maintenant chez quelqu'un qui va repartir avec son Golden Pass direction Walibi, un pass qui va donner l'occasion d'aller quand on veut à Walibi à n'importe quel moment, et ouais, et ça gratuitement, faudra pas payer. Et j'ai de bonnes nouvelles. Ouais, la personne est déjà là. Carrément. Wow. Bonjour, c'est quoi ton petit nom? Bonjour, c'est Sophie. Sophie, t'as quel âge, tu viens d'où? Alors j'ai 23 ans et je viens de La Louvière. De La Louvière. Sophie, t'as déjà été à Walibi? Bah non, elle vient de La Louvière. Que ça va. Ça va toi les clichés, comment ça se passe Fab? Je viens de La Louvière aussi, donc je peux me permettre. Oui, il vient de moi. Ouais. Oh là là, comment je viens d'avoir un de ces dossiers. Tu viens de La Louvière toi? Bah ouais. Bah attends, tu fais genre comment le bruxellois tout le temps à l'antenne. Morlanway pour être exact quoi. Enfin, oh toute non. Ma famille vient de là-bas. Oh, comment il faisait genre, ouais, moi je suis de Bruxelles. Bah tu m'étonnes, il va. T'as raison Sophie, il fait toujours ouais je suis à la capitale, moi je connais rien en dehors de je suis Bruxelles. Né ici, hein, mais où ça, à La Louvière? De temps en temps le week-end je vais voir ma famille quoi. T'es un Louviérois? Non, un Morlan. T'es un Morlanwaisien? C'est comme ça qu'on dit? Des pas du tout. Je viens de Morlanway quoi. Je viens de Morlanway. Dans les autres. Oh j'ai perdu l'accent, mais avant je parlais assis. Ouais. Bah oui, classe. Je te vois plus pareil Fab. Ça va toi le bruxellois, on va bien se calmer. Bon Sophie, t'as joué pour repartir avec ton Golden Pass, j'ai une bonne nouvelle, c'est gagné. Ouais. Bravo Sophie. Tu repars. Merci. Non pas avec un Golden Pass, mais avec deux Golden Pass. Tu vas pouvoir y aller avec qui tu veux, tout le temps, à n'importe quel moment. Tu vas pouvoir aller tester la nouvelle attraction de Walibi. Et ouais, Pulsar. Ou les revendre au marché noir. Ou les... Non, tu vas pas faire ça. Bienvenue Sophie, tu raccroches pas, on va prendre tes coordonnées, on t'envoyer ton pass très vite chez toi, d'accord? Ok, merci. Gros bisous Soso. Si vous aussi vous voulez essayer de repartir avec votre Golden Pass, c'est possible parce qu'on en aura plein filé pendant toute la semaine. Vous pouvez vous inscrire maintenant, ça compte hein. Vous envoyez Pulsar par SMS au 6322. Et à vous le précieux sésame. On me dit bon match les gars. Et ben merci à vous aussi. Je suis sûre que vous êtes déjà en mode fiesta, bande de petits vénards. Follow. Take me. Il se la pète parce qu'il s'est sifflé comme un dieu. Attends. C'est une vraie catastrophe. On doit laisser faire ça à Lost Frequencies, il le fait beaucoup mieux. Drake, c'est ce qui arrive côté son dance floor sur Fun avec One Dance. Je vous ai calé aussi le nouveau Tonos, là, featuring avec Avicii. À partir de 20h, c'est Vince qui débarque avec la libre antenne. Et puis à 23h, bah, c'est Mike en mode open space. Bonsoir tout le monde, allez les Diables Rouges. Eh, tu m'étonnes. Ah là, on est chaud là. Bon alors, un petit pronostic pour ce soir. Ce soir, je dis 2-1 pour la Belgique. Ah ouais. Voilà, c'est très bien. Ouais, oui, Fab... je suis désolé Fab. Attends, parce qu'il y a Fab qui lui fait des fuck, ça va toi? Non, je lui fais un fuck, juste un. Mais pourquoi? Genre, mais Fab... Ah oui, j'ai fait deux, pardon. Genre, quoi qu'il arrive, tu choisiras toujours l'Italie. Même en finale, Belgique, Italie, ce sera l'Italie pour ben, toi. Bien sûr, oui. Mais ça, c'est grave, ça. Franchement, mais tu vois, allez, t'es né ici, fieu. Arrête un peu tes conneries maintenant. Mais oui, mais moi, je suis pas habitué. Depuis que je suis petit, je suis la Squadra Azzurra parce que vous aviez pas d'équipe. Mais non, je me suis attaché à l'équipe italienne. Ça, c'est très petit ce que tu viens de dire. Mais c'est les allocations, c'est en Italie qui te les file. Voilà. La dernière fois que j'ai vu la Belgique jouer, c'était à Mexico. Je me souviens, j'avais... Eh ben, on a été en demi-finale quand même, hein. Oui, mais après, plus rien. Eh ben, c'est même en finale, je crois, non? On n'était pas en finale? Non, les non, petits Belges, attends, faut faire la chanson. Olé, olé, olé, olé. Et y a les... Non, c'est pas ça. Ah, en Mexique. Mais je pense qu'ils ont fait la chanson avant. Ah, non, je crois pas, non. Non? Non, non. Enfin, je sais plus, on n'était pas nés de toute façon, mais je pense qu'on a été jusqu'en demi-finale, ça c'est sûr et certain. Et puis, de toute façon, il y a un auditeur qui a dit tout à l'heure qu'on avait déjà gagné face à l'Italie lors d'un match amical. On peut très bien réitérer l'exploit. C'est amical. Et ben justement, là, on avait fait la voyance de l'Euro dans l'Open Space la semaine dernière. Ouais. Notre voyant nous avait dit que la Belgique irait jusqu'en quart de finale bon qu'on ça. Gagnerait le premier match ce soir. Yeah, baby! Oh là. Voilà, j'aime ça! Bon, bah justement, en parlant de l'Open Space, il y aura quoi ce soir dans l'émission à partir de 23h? Et bah ce soir, dès 23h, vous tous et vous toutes en direct là pour parler de ce que vous voulez au 02-851-4x0, vous aurez la possibilité. C'est le gars en fait qui a pas préparé son émission, c'est genre, bah vous venez parler d'un truc, je sais pas quoi, mais ce que vous voulez. Vous venez parler de ce que vous voulez, c'est libre antenne le soir sur Fun Radio Libertad. Vous venez parler du couscous, là, c'est du couscous. Mais pourquoi pas, je sais pas si t'as un coup de gueule à passer, Sandro, je sais pas, il t'est arrivé une galère aujourd'hui. Ouais, toi tu râles sur ton coiffeur, non? Voilà, c'est ça. Contre son prof de fitness plutôt. Mon Sandro. Excusez-moi, ce week-end j'ai quand même fait du fitness. Oh là, bravo, on applaudit. Merci. On applaudit, bravo. Non, ouais, ça, j'ai vu sur tes snaps, c'était juste avant le snap au KFC, c'est ça? C'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Exactement. Merci, et du coup, bah ouais, on peut venir parler de ce qu'on veut ce soir, on se fait plaisir sur Fun Radio à partir de 23h. Il y aura d'autres trucs dans l'émission? Ouais, il y aura la nouvelle star de l'Open Space. On est toujours en quête de nos remplaçants pour la saison prochaine. Pas facile à trouver, hein? Ah non, c'est pas facile. Mais on fait un grand concours et le meilleur, celui qui aura la meilleure note, repartira avec du gros cadeau Fun. Il y aura une montre connectée pour la personne qui gagnera. Et puis on essaiera d'aller pistonner chez le patron. Je suis pas sûr que ça servira à grand chose. Moi aussi. Mais on le fera pour le geste. Si vous voulez faire de la radio avec nous, vous lâchez un message en privé là sur le Facebook Make Open Space. Eh ben cool ça. Si c'est votre rêve, les gars, bah il faut juste se brancher à partir de 23h sur Fun Radio en mode Open Space. On te retrouve tout à l'heure, Mike. Bisous. On va se faire le son de Drake maintenant avec One Dance. C'est bon ça. Histoire de mettre un peu dans l'ambiance, de calmer les esprits parce que ça chauffe. Hein, là, ça y est, hein, on est en mode Diable Rouge vs Italie. On arrive juste après. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. Oui, donc voilà, je disais que je trouvais que ma fille n'était pas belle, elle a 6 mois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui te plaît pas? Elle est trop potelée, elle a pas de cheveux, elle est... Trop potelée, pas de cheveux. T'es sûr que t'as pas accouché de ton grand-père? Encore ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike, le soir sur Fun Radio. Dis de Vos. Oui, les mens. À part la Belgique, t'es pour quelle équipe, toi, à l'Euro? Mais pour le Brésil, hein. Quoi? Le Brésil participe à l'Euro? Oui. À chaque match, j'en ai frit, fieu. La sauce Brésil, bien de chez nous. La voilà. De Vos, les mens. À table. Restez là. Dans moins de 15 minutes, ce sont des barres de rire et des gros cadeaux avec la libre antenne de Vince dès 20h sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.

bienvenue la Belgique, bienvenue tout le monde, il est 19h59, nous sommes le lundi 13 juin, j'espère que ça va bien, bonsoir Françoise Ziche. Salut. C'est pas vrai, à bleu comme toi tu as mis le maillot de la Belgique, enfin pas le maillot de la Belgique pour de vrai, mais t'as mis le drapeau sur tes joues. Oui effectivement, pourquoi? Mais t'as un bon toi, c'est bien, tu t'es belgotisé. Bah non mais je suis pour la France, mais là c'est pas France-Belgique le match, c'est, oui, c'est Belgique-Italie. Ah donc voilà. T'es pour la Belgique. Ah oui. Ah il a kiffé son nouveau pays, il adore. Bien sûr. En même temps on lui a pas laissé beaucoup le choix. Ouais, c'est vrai. On l'a tenu à 4 et puis on l'a pas interluré. Bonsoir Kaufmann, comment ça va? Bah ça va, écoute, mon front y est passé comme tu peux remarquer. Oh purée, il y avait de quoi faire tous les drapeaux des participants à l'Euro. Et, et on a mis une photo à l'instant sur Libre Antenne Vince. Ah ouais. Eh bah parfait ça. Bon, et comment va tonton Roger? Mais très bien, et toi? Tonton Roger, pourquoi t'es venu en kaki? Qu'est-ce qui se passe? Je suis seul à avoir pris un drapeau avec. Ouais, bah on a pas nous. Mais moi je suis d'origine irlandaise, hein, donc. Ah oui, c'est vrai. Et c'est bien, il y a tes deux Irlandes qui sont là, qui jouent là, t'as remarqué. Je suis pas d'ailleurs, le foot. Ça donne quoi? Tu suis pas le foot? Pas du tout. Ah, attends, il y a Suède-Irlande là, c'est un. Irlande-Suède, un partout, ouais. Un partout c'est pour fini, l'instant là. Ah, le match est fini. Ouais, c'est fini. Et c'est bon ça, c'est un bon résultat ça. Un partout. Ah bah oui, c'est très bien pour moi. Ah, ça fait du bien là. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Comment tu vas Coralie? Ça va et toi? Mais ça va très bien. Et je suis impatient du match de ce soir. Ah ouais. Ah, tu vois, cette période où on est en libre antenne, en émission, en direct comme ça avec des auditeurs et qu'en même temps il y a le foot. Oh, mais. On a attendu toute la journée en même temps. Ah, c'est un kiff, hein. Ouais.